Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui, une semaine sur deux, vous parle de cinéma fantastique. Je suis toujours Corentin et Roman, comment ça va ce soir? Et ça va bien et toi? Ça va très très bien. Alors, donc pour l'épisode du jour, il y a deux semaines, on avait promis un thème un peu spécial. On avait promis un thème un peu différent. Alors, suite à un petit micmac d'emploi du temps, il y a quelques problèmes techniques. Ce sera pas pour cette fois, mais pour la fois suivante, a priori, si tout va bien. Inch'Allah. Mais, c'est quand même un thème particulier. Alors, Roman, en tant que community manager, alors oui, parce que quand quelqu'un vous répond sur Instagram, c'est lui. Hein, c'est lui qui gère toute cette partie-là. Alors, en tant que community manager, c'est quoi le thème du jour? Comment est-ce qu'il est arrivé au micro, finalement? Alors, bah, c'est simple. On a eu l'idée de faire voter les gens, pas forcément pour un futur sujet, mais pour un sujet qu'ils aimeraient voir. On leur a demandé ce qu'ils aimeraient. Donc, il y avait trois catégories. Il y avait un sous-genre ou une thématique. Il y avait un réalisateur et il y avait un pays. Donc voilà, et les gens ont dit des trucs qu'ils voulaient dans ces deux-là. Donc, par exemple, dans réalisateur, il y avait Dario Argento, Wes Craven. Ou même en auteur, il y avait Lovecraft, par exemple. Ouais, c'est donc plusieurs thèmes, plusieurs catégories différentes. Voilà. Et après, ils ont voté le thème en voté en pays. Il y avait notamment Italie, Hong Kong et Angleterre. À mon grand regret, c'est pas Hong Kong qui est passé. Je noterai juste que Wes Craven a battu Dario Argento. Je laisserai certaines personnes se vivre avec leur. Je laisserai la conscience de certaines personnes se charger de ça. Voilà. Et donc dans la thématique, il y avait notamment Slasher épisode 2 qui était pas loin de gagner. Mais c'est finalement le cinéma dans le cinéma qui a gagné. Qu'on a généralisé à méta. Voilà, des films méta, des films qui parlent plus ou moins de cinéma. Et donc là, on ne s'est pas limité au cinéma d'horreur comme ce qu'on fait d'habitude. On est allé sur le cinéma fantastique en général, même si le fantastique, c'est pas l'horreur. Mais il y a beaucoup d'horreur, mais cette fois-ci, on a de l'action, on a un peu de comédie noire. Voilà. Mais on a pris le sujet. Surtout à ce film d'action. Surtout à ce film-là. Mais bon, si vous... Voilà, vous avez cliqué sur l'épisode, vous avez vu le post Insta, vous savez de quoi on va parler. Vous savez de quoi on va parler. Mais donc, est-ce qu'on peut dire notre sélection? Évidemment. Alors, c'est moi qui vais démarrer avec un film qui, je vais pas dire un film qui est compliqué, mais un film que moi j'aime beaucoup et que je vais tenter de défendre, qui est donc C'est arrivé près de chez vous, sorti en 1992, film belge. Film belge? Belge. On va éviter de faire trop d'accent parce que sinon ça risque de devenir compliqué. Alors ensuite, c'est toi ensuite, qui vas nous régaler. Régaler avec Last Action Hero de John McTiernan ensuite, en 93. 93. Ensuite, je prends le relais pour amorcer les années 2000. On reste toujours sur des films récents. Pour amorcer les années 2000 avec Fist de John Gulager, sorti en 2005. Fist, F-E-A-S-T. Oui, on n'est pas encore, peut-être, dans ce genre de cinéma. Ouais, Fist, le festin. Hein. Et en 2006... On va aborder avec Derrière le masque, qu'on appellera plus communément Leslie Vernon, donc Behind the Mask, Rise and Fall of Leslie Vernon. On vous en dira plus quand on arrivera sur le film. Et tu termineras avec... Et je termine donc avec deux films, à savoir La cabane dans les bois, de Drew Goddard, écrit par Drew Goddard et Joss Whedon. Bref. Voilà. Donc de La cabane dans les bois, aka SCP le film. Voilà. Et on conclut avec qui s'appelle Scream Girls en France, qui s'appelle The Final Girl dans cette première. Que moi j'ai retenu sous le nom de Final Girl. Voilà. Que tout le monde retient sous ce titre-là. Voilà. Et alors, avant qu'on plonge dedans, j'ai envie de te demander, le méta, c'est un sujet qui, je vais pas dire qui énerve les gens, mais c'est un sujet qui parfois a tendance à faire lever des sourcils. Toi, le méta, c'est comment? C'est quelle est ta relation avec le cinéma méta qui est surtout fleuri? C'est aussi pour ça qu'on a une sélection qui est très centrée 90-2000. Mais c'est un cinéma qui a surtout fleuri, bon, à partir de Scream en 96, voilà. Mais qui a fleuri récemment, on va dire. Donc pour toi, le cinéma méta, c'est comment? Est-ce que ça t'énerve? Est-ce que ça t'énerve pas trop? C'est comment? Moi, le cinéma méta, tant que c'est bien fait, moi je suis toujours partant, dans le sens où je suis pas le plus grand fan de Scream, parce que je trouve que Scream va pas beaucoup plus loin que de dire « Hey, les films d'horreur, c'est cliché. Il y a ces clichés dans le film. » Et il fait rien avec. Et voilà. On a des avis divergents, mais après, voilà. Mais après Scream, genre en général, parce que aujourd'hui, c'est quasiment une norme le cinéma méta avec. On en parlera. Je détaillerai ça sur Last Action Hero, mais le côté blague en coin, sourire en coin, toujours la petite blague. Pour toi, le cinéma méta, vraiment, c'est au-delà de Scream. Est-ce que c'est devenu? Est-ce que ça te parle ou pas? Alors, je trouve que le meilleur héritier de Scream en termes de cinéma méta, c'est Scream 4. Scream 4 qui, je trouve, réussit à avoir une vraie bonne réflexion sur justement la vague de remake qu'il y a eu dans les années 2000, et 2010, mais surtout 2000, dans les mecs des films d'horreur, hein, surtout. Et c'est vraiment La cabane dans les bois. En plus, les deux sont sortis la même année, les deux sont sortis en 2011. Mais c'est vraiment La cabane dans les bois qui m'a fait dire ok, ça, c'est un film fait par des passionnés d'horreur pour des passionnés d'horreur, et ça se sent. Et voilà, c'est le petit bonbon de te dire. C'est une petite référence discrète, ou c'est des petits clins d'œil discrets à des trucs. C'est pas des trucs trop putassiers non plus. C'est pas un truc qui dit hey, j'ai fait une référence pour que t'aies la référence et que t'aies mon film. Genre toute la phase 4 de Marvel. Voilà, ça c'est bon, ça c'est ma taloche gratuite. Mais voilà, allez écouter La Septième Dimension. Ouais. Alors on parle, l'épisode n'est pas encore sorti, mais il va sortir. Il va sortir. Hein, c'est la partie petite. Oui, mais bref. mais donc voilà. Alors, je peux prendre le relais. Prends donc le relais. Alors en ce qui me concerne, je suis un peu plus polarisé que toi. C'est-à-dire, moi, pour le coup, je suis un gros fan de Scream. Je le cache pas. Scream 1, après. Scream 4 aussi, j'aime bien, mais donc ça, mon amour est variable, on va dire, en fonction des médias dans lesquels cette franchise est apparue. Mais le cinéma méta, c'est quelque chose qui, moi, peut vraiment me passionner, parce que je trouve que ça peut donner lieu à des commentaires passionnants. Chez un film que j'ai hésité à prendre pour cette sélection, c'est Viva Erotica, qui est un catégorie 3, qui date, si je dis pas de bêtises, du début des années 90, qui est un peu la nuit américaine avant l'heure. Qui parle justement du catégorie 3 en Chine. Alors, le catégorie 3, il me semble qu'on en a déjà parlé. J'ai souvenir au micro de ce podcast. Quand on a parlé de Dream Home, ouais. Donc, je rappelle rapidement, c'était une classification de films qui a eu à Hong Kong dans les années 80-90, enfin, milieu 80 jusqu'à la rétrocession, en fait. Et, c'est un cinéma qui est extrêmement violent, mais surtout extrêmement immoral. Et en fait, il y a Viva Erotica, une espèce de déclaration d'amour à ce cinéma-là. Et c'est un film que moi j'aime beaucoup, mais c'est pas vraiment fantastique, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Et je pense que c'est un film, notamment avec deux films de cette sélection, je ne vais pas arrêter tout de suite, mais c'est deux dans cette sélection par ailleurs, où je trouve qu'ils peuvent être passionnants sur la réflexion que ça peut avoir et qui peut vraiment donner des idées de, surtout de scénario, à vrai dire, de mise en scène, que je trouve souvent vraiment extrêmement intéressant. À contrario, je trouve que le méta, facile, tu as évoqué le coup des clins d'œil ou autre, c'est quelque chose qui m'énerve à peu près instantanément, c'est-à-dire que, je suis toujours dans mes rattrapages de fin d'année pour le bilan. Alors, à l'heure où on parle, la première partie devrait être sortie ou se sortira dans les prochains jours. Ça, c'est une promesse. Mais il y a beaucoup de films qui tombent dans ces références extrêmement faciles, de ce côté clin d'œil, coup de coude, qui, moi, m'énerve énormément. A priori, dans la section, rien ne m'a énervé, donc c'est plutôt tant mieux pour moi. Mais voilà, on va détailler. Alors, je te propose qu'on attaque tout de suite. Alors, on attaque donc en 92 avec C'est arrivé près de chez vous. Alors, C'est arrivé près de chez vous, c'est un film belge, comme on a dit. C'est réalisé par trois personnes qui sont Rémi Belvaux et André Bonzel, qui sont deux collaborateurs qui avaient fait un court-métrage juste avant. Pour ça, Rémi Belvaux s'est suicidé malheureusement en 2016. Il s'est suicidé en fait au moment où se tournait Astérix aux Jeux Olympiques. Ah. Et en même temps que la femme de Paul Vogt l'a quitté, qui fait qu'il est tombé dans une grosse dépression pendant le tournage du film. Ah, yes. On ne peut qu'avoir une pensée pour ses proches. Et on a également la réalisation Benoît Poulvord qui aujourd'hui est un acteur connu et reconnu pour noter quelques rôles au Clairon d'Honneur au poste. Déplorable. C'est son premier rôle principal. À savoir, donc le film est écrit par ces trois personnes, mais également au film on a Vincent Tavier qui est un scénariste et producteur qui a notamment bossé sur Alléluia et Adoration de Duvet. Pour moi, deux films que j'aime énormément. Okay. Voilà. Donc le film est tourné en noir et blanc et en 16 mm. On pourrait dire que c'est pour une intention artistique, c'est surtout pour des questions de budget, même si ça donne un charme non négligeable. Quand même, ça fait très puriste, mais le 16 mm noir et blanc, ça ajoute un peu quand même. Au budget rapidement, on a 33, c'est 1 million de francs belges, c'est à peu près l'équivalent de 33 000 dollars. Et, alors, pour pitcher le film, alors, à nouveau, j'ai toujours pris un site internet que j'ai un peu modifié quand même. Donc, en Belgique, Ben gagne son pain de manière peu orthodoxe, il assassine posément des petites gens. Il est modeste parce que s'en prendre aux grandes fortunes attirerait trop l'attention sur lui et créerait quelques malheureux scandales. Ce sont ces sages principes qu'il développe devant une équipe de tournage attachée à ses pas qui va le suivre tout au long du film. Alors, pour détailler sur C'est arrivé près de chez vous, c'est une comédie noire. C'est plus qu'un vrai film d'horreur, même si le film a quand même des éclats de violence assez glaçants par moments. Alors, notamment une scène de viol, oui, on peut le dire. Qui est absolument trop traumatisante, mais je vais pas appliquer tout de suite. Romain, toi, C'est arrivé près de chez vous, c'était comment? Alors, je l'avais vu il y a un moment, déjà, j'ai découvert le film autour de 14 ans, à peu près. Ah bah, on est pareil. Et je me rappelais pas des masses. Mais pour le coup, c'est un film que mon père aime beaucoup et qui m'en sort souvent des répliques. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Oui, ils l'ont fait, mais ils se sont arrêtés là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est deux répliques que j'aime vraiment beaucoup, c'est le, enfin, le jeu de mots sur le petit Grégory. Oui. Il est horrible, mais moi, il me fait rire. Et le, ça te rappelle rien, ça? Le fusil, super film. Ok, avec Philippe Noiret, ça c'est. Si vous êtes cinéphile, le film a quelques références bien placées, parfois un peu dérangeantes quand même, mais qui peuvent faire. Voilà, mais donc en le revoyant, il y a clairement un truc qui m'a beaucoup plu, c'est bon, les grandes envolées lyriques de Paul Vord, hein, le Pigeon, qui va se mettre à faire des poèmes parfois sans raison, mais qui en fait en apparence au début du film, dans le premier tiers, après dans les deux premiers tiers, a l'apparence d'un homme extrêmement cultivé, extrêmement sympathique aussi. Et c'est ça que, enfin, je vais y revenir pas, mais qui participe au décalage, on va dire, que peut apporter l'évolution, on va dire. Voilà. Et, ou même la scène, dans l'usine avec le veilleur de nuit noire, qui est, enfin, grandi sous le cocotier, c'est un truc qui est amusant, justement, ce côté où il va assassiner quelqu'un sur un chantier, et juste après, il place une taloche pour les patrons, qui, ça participe à ce côté, comédie, en fait, où il va faire des choses horribles, et on a parlé un peu du meurtre, mais enfin, on peut placer les avertissements les avertissements nécessaires, on va dire. Il y a une scène de viol dans le film qui est vraiment, vraiment horrible. Pour le coup, c'est une scène de viol à plusieurs, filmée plein cadre, où il y a même des blagues qui sont faites, enfin, je vais revenir pour détailler là-dessus, mais et qui se conclut de façon tragique. Ah, mais donc c'est vraiment ça le pivot du film qui passe du coup de c'est le personnage de Paul Vord de sympa au début, mais à ça justement qui était déjà amorcé par la scène où il se bourrait la gueule juste avant et c'est à partir de ce moment-là que là c'est la descente aux enfers et que aussi l'implication des journalistes qui étaient que spectateurs jusque-là qui là face actif qui du coup encore une fois la même chose qu'avec Paul Vord, c'est ça te fait passer de un groupe assez sympa à quelle bande de trous du cul. Et un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est que le film a une écriture extrêmement habile parce que le film a été taxé à sa sortie d'apologie de la violence. Et si je me permets la comparaison avec un film qu'on aime pas beaucoup tous les deux, qui est Joker, qui est sorti il y a quelques années, là où Joker, justement, peut tomber dans cette interprétation parce qu'il iconise son méchant, enfin son héros. Et même si Todd Phillips dit non mais je veux pas qu'il devienne une icône, je veux qu'il devienne une icône, mais à côté le film, quasiment comme un héros, je veux dire, le film vraiment extrêmement iconique, ici, le film va jamais tomber là-dedans, va jamais tomber dans cette iconisation facile et qui aurait été, je pense, extrêmement vulgaire, surtout quand on voit ce que fait le personnage le plus fort. Je passe un petit coucou à tous les cassos qui disent à Tony Montana, le boss... Oui, non mais ça, c'est compliqué. C'était que Scarface, je l'ai adoré à une époque, et plus je vois comment ça occupe, plus je suis mitigé là-dessus, sur... juste à cause de sa fanbase que tu fais dans les. Et en fait, tu connais l'émission Scripties. Oui, bien sûr. Qui était l'émission qui suivait des gens dans leur vie de tous les jours. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu un film tiré de Scripties il y a quelques années qui s'appelait Ni juge ni soumise. Ils en ont ressorti un l'année dernière, je crois. J'ai plus le titre en tête, mais il y a eu un deuxième film tiré de Scripties. Pour le coup, là, justement, c'était une parodie quasiment affichée de cette émission qui, ça, c'est en 92, ça préfigure tout le journalisme, que tu vas voir le côté du journalisme extrêmement sensationnaliste, que tu auras 10 à 15 ans plus tard, notamment avec les chaînes d'infos en continu, qui est un thème qui est surtout traité, quand je pense à ce thème-là, je pense surtout à Rod Burgundy, Anchorman de Adam McKay, qui est le sommet de ce que tu peux faire en termes de critique de ces chaînes-là. Et là, le film va avoir extrêmement d'avance sur ces thèmes-là, tout en ayant une espèce de commentaire sur la violence au cinéma qui ne tombe jamais dans la facilité de juste dire, ah, c'est pas bien de représenter la violence. Non, c'est un côté un peu plus, comment dire, un commentaire un peu plus malin de est-ce que, enfin, qui va pas questionner tant la violence que tu vas regarder, mais plus la réception que toi tu vas en faire. Ouais. Et tu parles du fait que le film soit en avance. Mmh. Mais, on en parle du fan footage. Ouais, ça, qui va aussi préfigurer toute la vague de fan footage. Voilà, c'est-à-dire que le film sort, bon, certes, 12 ans après Cannibal Holocaust, mais sort quand même 7 ans avant Blair Witch, qui est le film qui va vraiment relancer ça, qui va arriver ils ont ce cancer des années 2000. Je suis pas le plus gros fan de quoi. Moi, ça va. Mais, je suis pas fan des mauvais films, mais comme je suis pas fan de mauvais films. Et voilà, mais c'est pour ça que, j'ai arrivé, tu vois, alors c'est pas un film qui est facile. parce que il n'a pas un rythme qui est lent, mais il a un rythme documentaire, en fait, quasiment. C'est-à-dire que ça va pas speeder tout le temps, il y a des scènes qui vont un peu se poser, entre guillemets. Je pense à pour moi, une scène qui résume à peu près tout le film, c'est la scène où il va voir une vieille personne dans son appart, Oui. et lui fait peur, et elle fait un arrêt cardiaque, et lui, il en rigole, ce qui... Je sais pas si tu dois rire ou pas, parce que c'est Parce que un j'avais peu... vu la boîte de médicaments sur la table. Ça met un peu mal à l'aise, quoi. Et après, il va sortir et faire une déclaration quasiment poétique sur l'architecture des bâtiments. Je fais, ok. Non, moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui met mal à l'aise, hein, qui met vraiment mal à l'aise, quand même. C'est-à-dire que tu sais jamais si tu dois rire ou pas. Tu ne sais pas. Bah moi je t'avoue que tout le début je me marre bien, c'est-à-dire que vraiment tout, enfin parce que je crois qu'ils l'ont fait, oui ils l'ont fait, ou même bah justement la scène de la vieille, la scène du petit Grégory comme tu parlais. Le petit Grégory, bah, pour ceux qui, enfin, non, on va pas divulguer, mais le jeu de mots sur le petit Grégory, c'est toute une scène et c'est, oh, ça laisse songeur, on va dire. Voilà, ou même quand il explique les barèmes de lestage de poids du corps en fonction du type d'individu. Oh, c'est génial, c'est génial, c'est 3 fois le poids. Les os sont quoi? Les os sont poreux. Poreux. Voilà, mais après c'est un film qui, genre vraiment le début accroche beaucoup, et après je trouve que ça traîne le cul, et après il y a la scène évidemment, bah, le pivot, c'est-à-dire la scène de viol qui est insoutenable, hein, foncièrement, et le film, à ce moment-là le film a déjà commencé à me perdre parce que, enfin la première fois que je le dis, mais quand c'est trop lent, moi je suis pas un grand fan, à part s'il y a de la belle image derrière, je suis peut-être un facteur, comme le dirait notre cher Antoine Goya, mais ouais, je suis pas très sensible à ce genre de truc. Il a un rythme documentaire. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que le film est globalement divisé en 3 actes, chacune menée par une scène. Donc on a la scène d'intro qui va ensuite amorcer qui va poser, on va dire, le contexte de ce que va être le film, à savoir cette espèce de documentaire noir sur un tueur en série. Ensuite, on a le deuxième tiers qui, je pense, est amorcé par la scène, alors autre scène un peu border, qui d'ailleurs, cette scène et la scène de viol ont été coupées pour la version américaine, pour être Okay. sûr, c'est la scène de l'apprentissage, qui va justement amorcer pour moi la deuxième partie, et ensuite la scène de viol qui Bah, est amorcée d'ailleurs juste avant. justement la scène, tu parlais de la scène de l'infanticide, mais l'affiche française Elle a été coupée. a été modifiée, c'est-à-dire que sur l'affiche française quand il tire c'est une tétine d'enfant, alors que sur l'affiche internationale c'est un dentier. Ouais. À la base, sur la française, c'était aussi un dentier. Ça a été remis tétine d'enfant il y a quelques années. À la base, c'était aussi un dentier. Et en fait, pour le coup aussi, ça permet de mettre le doigt sur autre chose qui est lié au méta, c'est que le méta, par définition, un peu comme le fan footage, qui peut être une variation de méta, pourquoi pas. Oui, pour moi, le fan footage, c'est, ça rentre dans cette catégorie, dans le sens où le fait de filmer dans le film, ça a forcément créé une mise en abyme, et Voilà. donc, que ce soit consciemment ou non, parler de cinéma. Et en fait, pour le coup, le méta, ça doit donc se passer dans notre monde. En tout cas, dans la diégèse du film, la diégèse du film est censée être plus proche de notre monde. Et donc, le méta et le par extension, mais le méta est souvent plus propice à des images parfois très choquantes et enfin, très choquantes, beaucoup plus dérangeantes parce que plus réelles et parce que plus réelles, je pense que c'est le bon terme. Bon, on parle de la scène de l'infanticide. Il y a un autre infanticide dans l'épisode, et plus tard, dans 2 films, oui, 2 films. Où pour le coup, en fait, ça met le doigt sur le fait que dans la vraie vie, entre guillemets, un enfant, il n'est pas protégé par une sacro-sainte règle d'innocence, et il se fait désinguer. Et là, pour le coup, ouais, la scène de l'infanticide est un peu difficile, enfin, elle est difficile, normalement, c'est pas très chaud. Ouais, mais c'était très chaud, moi, c'est vraiment un film que j'aime vraiment beaucoup. Mais, toi, tu rigoles, moi, je sais jamais si je rigole. Vraiment, parce que, il y a cette espèce de dichotomie entre le film est drôle, le film a vraiment des vannes très très bien trouvées et très drôles, mais à côté il y a quand même un nombre de meurtres assez conséquent, pas tous mis en scène, mais parfois le film va enchaîner des séquences de meurtres Ouais. qui me mettent assez quand même mettent vraiment mal à l'aise. Et pour le coup, la scène de fin de enfin la scène de bon spoiler de la mort de la copine de Benoît Poulvord qui meurt avec bon, on peut le dire, une flûte par derrière, quoi. Ça pourrait être drôle parce que c'est une situation quasiment de dessin animé, mais à côté, c'est ignoble parce que c'est filmé de façon extrêmement crue, extrêmement froide, la réalisation C'est est ignoble, drôle. mais le truc c'est que dans les autres scènes, Paul Vord rigole de la scène, et parce que le héros du film c'est Paul Vord, et que enfin c'est Ben, mais que Ben Benoît, voilà. Et quelle interprétation, quoi. Voilà. Et que dans les scènes où il prend pas ça au sérieux et où vraiment c'est drôle, bah c'est drôle parce que Paul Vord a cette espèce de gouaille, il y a cette sympathie. Là où dans la scène justement où on découvre que sa copine est morte, bah lui, il est triste, il est dévasté à ce moment-là. Et pour le coup, on parle de Paul Vord qui est incroyable. Ah oui, hallucinant. C'est pas le Paul Vord joyeux de Au Poste, non, c'est Paul Vord, il est mal à l'aise, hein. Il est vraiment mal à l'aise. Il y a des scènes où la scène du dîner, enfin du repas d'anniversaire, là. Oui. Ah, tu t'es un peu sous tension quand même, tu vois, c'est bizarre, ça. Non, voilà, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film que je trouve très intelligent dans son propos. J'ai détaillé rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est que le film ne va pas juger la violence montrée. En fait, ce qui va tourner en ridicule, c'est pas tant la violence ou les meurtres en eux-mêmes, c'est vraiment, non seulement le personnage de Paul Vord, mais surtout, au bout d'un moment, l'équipe de journalistes. Au final, bah, étant donné que le personnage de Paul Vord, lui, est à peu près constant dans son caractère et dans son évolution, c'est l'équipe de journalistes qui, je trouve, passe surtout pour des blaireaux, à au final se mêler à devenir carrément complice de ce qu'ils font. Bah, il y a, ce qu'il fait, pardon. Mais c'est du coup un commentaire sur les journalistes, ma sensation, qui voilà, va. Voilà, et le fait que, le fait de, mine de rien, le mettre autant en avant, le fait d'autant s'impliquer, bah, mine de rien, tu contribues à ça. Ouais, donc, c'est que contrairement à avant, un film que j'aime pas beaucoup, qui est Éléphant de Gus Van Sant. J'aime bien entendre. En fait, je le trouve très maladroit dans son propos, c'est-à-dire que Éléphant te dit, la violence vient des jeux vidéo. Des jeux vidéo violents. Ce qui est bête. Tu vois, et c'est, là, le film te dit, justement, le problème des journalistes, le message que je vois dans le film, c'est que le problème ne vient pas du fait de voir de la violence, le problème vient de la réception que toi tu vas en avoir. C'est pour ça que je trouve que le film est sur une ligne que j'aime beaucoup. Après, je peux totalement comprendre qu'on trouve le film absolument répugnant parce que il est radical, il est très radical, il n'est pas venu à rien, et on parle rapidement de la scène de viol, mais c'est vraiment une scène qui est extrêmement difficile, qui est assez longue, et surtout le fait que les personnages rigolent, en fait. C'est ça qui est vraiment difficile. Mais donc voilà. Dans les près de chez vous, film belge, premier film belge de l'émission. Oui. J'espère pas le dernier. Moi, je pense à un film de zombie belge, sorti il y a 3-4 ans. Ah, vraiment beaucoup. Ça commence par un Y, j'ai vraiment beaucoup. Et ça finit par un Y? Peut-être aussi. Mais donc voilà. C'est, vraiment, c'est arrivé près de chez vous, c'est un film que j'invite à redécouvrir, d'autant plus que le 16mm noir et blanc fait que le film, je trouve, a un côté intemporel. Il n'est pas marqué dans son époque. Il date des années 90, mais il aurait pu sortir, peut-être pas hier, mais il aurait pu sortir début 2000 ou même début 2010, tu vois. Je trouve que ça aurait toujours été pertinent. C'est un film que je trouve pas incroyable, il a quand même des défauts, mais c'est vraiment un film que j'aime énormément. Mais en revanche, de nouveau, qui secoue. C'est pas le film le plus violent de la sélection. Le plus violent, c'est, je pense, un des miens. Je pense que franchement, on en avait parlé. Ouais. Mais c'est le film qui met le plus mal à l'aise. Ça, on peut être d'accord là-dessus. Et sur le sujet de méta, c'est un de ceux qui l'aborde avec un angle, pas l'angle le plus original, mais un des angles qui, je pense, invite le plus à réflexion. Même si le premier des tiens, je trouve, invite aussi une réflexion qui est très intelligente. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Personne n'a rajouté, à part parler de où le film est disponible. Où le film est disponible, exactement. Voilà, donc il est sorti en Blu-ray en France, il est chez Universal, et il est également sorti en Espagne et en Allemagne. Toujours les Allemands. Les Allemands, mais les Allemands dans un magnifique digibook disponible avec deux visuels différents. Faut mettre le prix, mais les visuels sont magnifiques. Et il y a un Blu-ray américain qui est prévu, mais qui n'a pas encore de date ou quoi. Et sur les plateformes. Et sur les plateformes, il est dispo en SVOD sur Filmo, OCS et Canal. Et merci beaucoup. Et donc, on attaque avec le premier de ta sélection. Le premier de ma sélection. C'est le meilleur film de cet épisode. Oui. C'est incroyable. Vas-y. Oui. Last Action Hero, ou Le Dernier des Héros au Québec. Ah, décevant le titre. Décevant. J'aurais aimé un truc un peu plus, tu sais, genre la dernière action du héros, tu vois, je pense que ça aurait été un peu plus marrant parce que, en plus, l'attraction aurait été mal faite. C'est ça que, oui, oui. Et donc, réalisé par John McTiernan. Donc, McTiernan, Predator, Die Hard 1 et 3, Basic, Octobre Rouge. Alors, je vais détailler sur mon avis, mais un des plus grands réalisateurs que Hollywood ait jamais connu. C'est vrai. Il a quand même fait Die Hard, quoi. Il a fait Die Hard 1 et 3, ou même Rollerball, c'est intéressant. Basic, j'ai pas vu. Basic, c'est sympa. J'ai pas vu Basic, mais, Predator, après, sa fin de carrière est compliquée parce qu'il y a le 13e guerrier aussi, lui, il a eu des choses, le 13e guerrier, il a eu des problèmes de production énormes. Et alors, je tiens à dire que, McTiernan a fait une déclaration sur le film. Alors, sur lequel? Sur la Fashion Hero. Ouais. Alors, il sortait de l'affaire Pelicano. Ouais. Il venait de faire un an de prison pour ça. On va pas vous résumer l'affaire Pelicano, on vous invite à aller voir le chroma de Karim Debbache sur Roller qui la résume bien mieux que nous, on n'est pas juriste. Mais grosso merdo, Matt Tiernan, est revenu, quelques années après, autour de 2010 à peu près, sur le film, en disant que c'était sa pire expérience. La Section Hero? La Section Hero. Enfin, franchement, ça va. Mais vraiment, Matt Tiernan, c'est quelqu'un qu'on a tendance à oublier, malheureusement. Et même son premier film, Nomad, il est pas mal. Même Nomad, c'est plutôt bien. Ouais, j'ai pas vu. Pierce Brosnan, qui parle en français. Qui tente de parler français. Mais vraiment, McTiernan, c'est un réalisateur qu'on oublie souvent. C'est un peu comme Richard Fleischer, tu vois, qui est souvent mis de côté. Ils sont des réalisateurs d'Hollywood qui sont absolument incroyables et qui sont beaucoup plus que juste des Yes Man, genre, enfin, ou d'ailleurs un Predator, en fait. C'est un homme incroyable. Voilà. Alors donc, qui est sa cause de la Section Hero? Bon courage pour le sujet. Bon, enfin, ça va. On y suit Danny Madigan, qui est un jeune garçon de New York, si je ne me trompe pas. Ouais. Un jeune garçon de New York qui n'aime pas trop sa vie, qui est assez pauvre, qui n'aime pas les cours, tout ça. Dont le père est mort et qui vit seul avec sa mère, qui peine un peu à changer de goût. Et donc, il se réfugie, son refuge, c'est le cinéma. Notamment le cinéma Pandora, tenu par un certain Nick, dans lequel il s'enferme pour aller voir des films Jack Slater. Qui est l'équivalent d'un Rambo des temps modernes. Voilà. Qui est l'équivalent de Schwarzenegger. Qui est une icône créée pour le film, mais qui globalement reprend tous les codes des films, enfin, on va y revenir, je pense, parce que c'est un des sujets du film, mais qui reprend tous les codes des films d'action extrêmement clichés, du style commando, je pense qu'il y a beaucoup de commando dans Jack Slater, mais des années 80. Voilà. Et donc, un jour, Nick, donc le patron de cinéma, lui dit, hey! J'ai une avant-première. Je dois vérifier la bobine de Jack Slater 4. Pour le prochain film de Jack Slater. Voilà. T'es chaud pour venir? Danny dit oui. Il arrive. Et Nick lui donne un ticket magique. Il tient un magicien. Je l'ai donné d'un magicien. Le plus grand magicien des Indes, tu l'as donné le plus grand magicien du Tibet. C'est pas nous, c'est le film qui dit. Voilà. Et le ticket magique a le pouvoir de faire entrer dans le film. C'est-à-dire que Danny va, par un cours de circonstances, entrer dans Jack Slater 4. Dans l'univers de Jack Slater 4. Parce que donc Jack Slater 4e du nom. Aïe. Voilà. Mais donc il va entrer dans le film. Et ça va être du coup prétexte à beaucoup de blagues et beaucoup de réflexions sur le cinéma d'action et les gros acteurs des années 80-90. Corentin, qu'est-ce que tu penses du film? Alors, qu'est-ce que je pense du film? Alors, Last Action Hero, je pense, pour contextualiser rapidement sa sortie, il sort en 92. 93. Si je dis pas de bêtises, cette année ou l'année suivante, il y a True Lies qui sort. Et l'année suivante, c'est 94. C'est l'enterrement définitif du cinéma d'action des années 80. Alors, je veux dire un truc, vas-y. Le film a flopé. Juste, le film est donc sorti en France le 11 août 93, aux États-Unis le 18 juin, mais il a eu sa première le 13 juin 93, à Westwood en Californie, soit 4 jours après la première de Jurassic Park. Il était sous de bons auspices. Mais en fait, il y a eu un vaste don qui lui a roulé dessus à sa sortie. Voilà. Et en fait, c'est un film qui se pose en enterrement des icônes des années 80. C'est-à-dire que je pense que tu vas détailler rapidement sur les petits clins d'œil qu'il peut y avoir dans le film, mais les Rambo, les Terminator, les Commandos, c'est fini. Les années 90, c'est le début justement de ce cinéma d'action avec le petit sourire en coin, la petite blague, un ton beaucoup plus léger. Il va y avoir rapidement une petite résurgence de ce cinéma-là avec Steven Seagal, mais bon, ça aura, enfin, ça va durer 10 minutes, parce que Steven Seagal, il fait 3 bons films, après c'est terminé, et bon. Quand on sait quel genre d'être humain c'est, on va pas le regretter, on va dire. Et, alors, déjà aussi, faut admettre quelque chose, c'est-à-dire que derrière, Last Action Hero, c'est pas n'importe qui, c'est John McTiernan, donc déjà, en termes de réalisation, c'est impeccable. Les scènes de course poursuite, c'est dingue, ce qu'il arrive à faire, c'est, je pense, moi, il y a une scène, enfin, un plan que j'aime beaucoup, c'est la scène, un plan qui est tout simple, qui est juste au milieu de la route, qui est travelling arrière, au milieu de la route d'une course poursuite. Une course-poursuite en travelling arrière, qui est même plutôt lent, d'ailleurs, mais qui permet tout de suite de situer où se situe, comment évolue l'action, comment elle est située dans l'espace. C'est incroyable comment il arrive à faire. Enfin, à nouveau, McTiernan, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, et même, enfin, un jour, je pense, la mise en scène de Die Hard a été étudiée sous toutes les coutures. Donc, enfin, c'est quelqu'un qui a une science de la mise en scène qui est hallucinante à voir. Maintenant, je pense que ce dont tu parleras aussi, je pense beaucoup, c'est l'histoire, le scénario du film, qui est complètement dingue. Le film est extrêmement drôle, vraiment, le film ah oui. Ultra drôle. Tu l'as, t'as pas dit qu'il y avait au casting. Alors oui, du coup. Vas-y, détaille-nous la fiche technique. Pour alors, si on commence par le casting, alors, juste pour parler du scénario. Donc, au scénario, on a Shane Black. Ah bah tiens, écoute, tu viens de résoudre à peu près toutes les questions que j'avais. Donc, Shane Black, qui va scénariste émérite, metteur en scène inégal. Voilà, donc, Shane Black, juste niveau scénario, c'est L'Arme Fatale 1 à 4, Le Dernier Samaritain, Monster Squad, Iron Man 3, The Predator. On va pas retenir le dernier, mais j'invite surtout à voir Le Dernier Samaritain, ouais, qui est beaucoup trop cool. The Nice Guys, Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang, j'aime énormément. Mais donc, c'est pas lui qui l'a écrit de base, il a retravaillé une histoire de base écrite par Zach Penn, qui a certes écrit X-Men 2 et Ready Player One, et aussi Avengers, mais qui a aussi taffé sur X-Men 3, Elektra, L'Incroyable Hulk, Inspecteur Gadget et Free Guy. Tu sais que L'Incroyable Hulk, je trouve que c'est pas si mal. Je trouve les 20 premières minutes pas mal. Mais on a vu chez Hulk. Allez. Ouais, et puis Free Guy. Free Guy, alors là, ça va. Première fois que je l'ai vu, je trouvais ça sympa, mais je pense qu'il faut pas le voir. Pas le voir non plus. Et aussi Adam Leff, qui a pas fait grand chose. Voilà. Et le casting! Le casting! Alors dis pas tous les noms, dis le nom! Le nom! Le Arnold! Allez, je le lâche, le meilleur acteur d'action des années 80 et celui qui a le mieux sujet de sa carrière après. Allez. Et voilà, le gouvernator, le tout ce que tu veux. Qui pour le coup qui a mieux géré d'acteur d'action que de gouverneur de la Californie, parce que je sais pas, pour le coup je sais, apparemment il a laissé la Californie dans une merde financière. Je suis pas du tout dans les histoires politiques. Je sais juste que il a quand même réussi à passer d'acteur pas qu'on respectait pas, mais à qui on demandait de pas parler pour éviter de voir son accent, à gouverneur de Californie. C'est quand même un parcours qui mérite pas, on va dire. Un mec qui est acteur acteur cultissime, culturiste aussi d'ailleurs. Mais... Ah. Donc, dans le rôle de Danny Madigan, on a Austin O'Brien, qui a joué dans Le Cobaye 1 et 2 et Apollo 13. Ah oui. Dans Apollo 13, ça. Le Cobaye 1 et 2. Dans le rôle de Bénédicte Le Borgne. J'ai vu Les Goonies hier soir, donc je j'ai Borgne, jamais le nom de cet acteur, mais à chaque fois que je le vois, je me dis, ah, il est trop bien. Alors, c'est Charles Dance, qui a joué dans... c'est Tywin Lannister dans Game of Thrones. Et qui a joué dans Imitation Game. Et c'est dans Orgueil et Préjugés Zombies, Dr. Frankenstein et Alien 3. Orgueil et Préjugés Zombies, il est bon. On a Tom Noonan, dedans, qui joue le boucher. Un des méchants qu'on verra dans... Voilà, le méchant de la fin de Jack Tatter 3, en gros. Qu'on a vu dans, au hasard, Arak Attack, Hit, Wolfen, Robocop 2, Anomalisa, et qui fait la créature de Frankenstein dans Monster Squad. Bah tiens, comme quoi, pour des espèces en fond. Voilà. On a Anthony Quinn l'homme pour qui Bénédicte est l'homme de main. Ouais. Voilà. Une espèce de mafieux italien. Voilà. À la sauce pécriche. Voilà. Et biche, espèce de bonnet sicilien. Mais donc Anthony Quinn qu'on a vu, c'est le meilleur du film, hein, clairement, Laurence d'Arabie, Zorba le Grec, carrière longue comme le bras. Voilà. Et Zeus dans 5 téléfilms Hercule. Et c'est aussi le personnage principal du film Le Message. Alors, est-ce que tu connais Le Message? Non. Le Message, c'est un film qui retrace la naissance de l'islam. Oula. Réalisé. C'est border, ça. Alors, c'est réalisé en 76. Réalisé par Mustapha Akkad. Le producteur de la saga Halloween. Ok. Voilà. Ma foi. Voilà. Et donc on a aussi Frank McRae au casting, donc L'Arme Fatale, Permis de Tuer, Haute Sécurité avec Stallone. Et dans le rôle de Nick, donc le projectionniste, on a Robert Prosky, donc qui a joué dans Christine, Madame Doubtfire, Gremlins 2. C'est surtout dans Christine que je suis en train. Voilà, moi c'est surtout dans Madame Doubtfire, parce que c'est le chauffeur de bus qui drague Robin Williams. Oui, aussi, oui. Miracle, et dans un épisode d'Arabesque. On retrouve une constante. Attends, on l'avait pas au dernier épisode? Ouais. Merde, il a réussi à le tester. Ou putain, on va se choper un point arabesque à chaque épisode. Et alors, juste, on parle du casting, mais comment ne pas parler des caméos du film? Alors, ils sont Jean-Claude Van Damme, Robert Patrick, Sharon Stone. Alors, il y a un truc marrant sur le caméo de Jean-Claude Van Damme. Ouais. Donc, Jean-Claude Van Damme, on le voit à l'envers de Jack Slater 4. Ouais, bon, c'est le caméo le plus simple à repérer. C'est vraiment, parce que certains sont quand même très discrets. Genre, Sharon Stone, faut l'avoir. Sharon Stone, quand elle sort du vidéoclub, ouais, et qu'il y a Robert Patrick qui l'envoie pas du vidéoclub. Ah, du commissariat. Ouais, voilà. Il y en a certains, oui. faut les choper quand même. Mais, qui passe en fond, qui est en train de marcher en fond derrière Jean-Claude Van Damme, c'est Timothy Dalton. Non. Voilà, donc, je ne sais pas, le quatrième James Bond. Ouais. Celui-là, je l'avais pas vu. Enfin, je revois ce terme de film. Mais tu vois, un quart de seconde, mais vraiment, j'avais vu une vidéo du youtubeur Anthony Pazzona, qui est un gros fan de Bond, surtout de Dalton, et qui dit, putain, vous aviez Dalton dans votre film, vous aviez James Bond, et vous en faites ça! Pour le coup, mais ce film a une, enfin, je vais y revenir dans mes notes, mais ce film a une science du caméo qui est incroyable. Voilà. Je trouve ça fantastique. On a aussi, un film peut faire ça. On a aussi Damon Wayans, on a la mannequin Angie Everhart, qui joue la meuf que Schwarzy drague dans Video Club. Oui, ça c'est trop drôle ça. Voilà. On a la vraie femme de Schwarzenegger qu'on voit sur le tapis rouge du coup de Jason Statham, qui du coup fait un truc un peu méta encore une fois sur les planètes Hollywood de. Oui, parce qu'ils se sont cassés la gueule les récents planètes Hollywood. Mais en gros, ce film c'est enfin, c'est peut-être le plus méta de tous. Voilà, avec. Non, c'est le plus méta de toute la sélection. Mais donc Planet Hollywood, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est une chaîne de restaurants qui a été créée dans les années 90, avec donc fondée par des anciens de Hard Rock Café. Et qui a surtout été promu par Schwarzenegger, Van Damme, Stallone aussi, et un quatrième, Bruce Willis. Ouais, donc en gros, qui mettait en avant le côté, bah, c'est Hard Rock Café pour le cinéma hollywoodien. Voilà. Le cinéma hollywoodien des années 80, donc autant dire que la chaîne, elle a pas duré longtemps, bah, dès qu'on est passé dans les années 90. Voilà. Par contre, il y a quand même je vous conseille, alors, la musique est assourdissante, mais le Planet Hollywood de Disneyland, Paris, est sympa. Ah oui, bah, je suis pas là trop, donc. J'y suis allé il y a 6 mois, c'est pour ça qu'on en parle. Bisous à Disney. Le jour où on se fait sponsoriser. C'est ça. Vu la 7ème dimension, on va pas en parler. Non, on va pas en parler, non. Ah, et non, aussi, en caméo, alors dans la scène d'intro, Danny DeVito. Oui, oui, qui est bah, le pingouin de Batman 2, et je ne veux rien entendre. Il est pas dans la scène d'intro, c'est la voix du chat. Ouais, déjà, et dans la scène d'intro, on a le le chat, il a quasiment, tu sens que physiquement, il y a un côté d'Anne DeVito, en fait. Je sais pas comment dire, mais il y a une espèce de démarche qui, ouais. Et donc, en gros, le chat, déjà, c'est, tu le vois apparaître dans la scène du commissariat, qui, en gros, c'est cette scène m'a fait hurler. La scène, bah, déjà, Frank McRae, qui est, c'est ça, c'est Frank. Ouais. Enfin, donc, ouais, Frank McRae, qui est donc le supérieur de Slater, qui est ultra drôle, mais vraiment, c'est une dinguerie. Bah, c'est le cliché des commissaires dans les films d'action, en fait. Voilà, mais qui te sort des phrases, mais vraiment, genre, avec vos conneries, je crois que machin va me jouer une fanfare dans ouais. Le couloir à lentille. Non, mais c'est magnifique. Ouais, c'est mais genre, vas-y, continue sur la fiche technique, vraiment. Voilà, on a MC Hammer aussi en caméo, on a... voilà, j'ai fait à peu près le tour. Des caméos, il y en a à l'appel. On va pas tous les lister, mais vraiment, c'est un festival. Voilà, si on revient sur la fiche technique, en chef-op, on a Dean Semler, qui était chef-op sur Razorback, Mad Max 2 et 3, Bone Collector, Boussou Puissant, Match Retour et Apocalypto. Juste Razorback. Alors, Apocalypto, je suis toujours mitigé parce que le côté numérique, pour moi, empêche le film d'être vraiment visuellement magnifique. Alors, Razorback, qu'est-ce qu'elle est belle! Même Bone Collector, je trouve qu'il y a un truc aussi. J'ai jamais vu Bone Collector. J'avais vu à la télé au hasard, une fois. Razorback, magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle, la plan, c'est incroyable. C'était beau Razorback de chez Carlotta. Carlotta, ouais. Magnifique. À la musique, on a le grand Michael Kamen. Michael. Alors, qui a composé, tu vas dire, je vais être en mode Brésil. Voilà le thème de ta. Même si la musique c'est pas le point le plus marquant, je trouve que c'est peut-être un des seuls points noirs de la station numéro. Parce qu'en fait, il va reprendre aussi beaucoup de mélodies. Bah, c'est pas lui qui a fait Taïa. Si, voilà. Bah justement, donc Brésil, Dead Zone, Highlander, l'arbre de la musique de Dead Zone, la musique Highlander aussi. Mais bah, c'est en fait d'ailleurs 1 et 2, il a retravaillé en fait avec Trillium sur le Baron Munchausen. Ah oui. Le dernier Samaritain, on en parle. Ouais. Mais pour le coup, c'est la station numéro à nouveau, on va détailler plus tard, mais c'est pas plus tard, dans quelques minutes. Mais étant donné qu'il va reprendre énormément de gimmicks, de compositions des grands titres des années 80, je trouve que le film n'a pas vraiment d'identité musicale. Par exemple, t'as plein de moments, enfin, t'as plusieurs, où t'as la musique de Die Hard qui est... En tout cas, t'as une mélodie très inspirée de la musique de Die Hard, notamment à la fin, par exemple. Lorsque Schwarzy tombe du bâtiment, dans un plan qui est celui des Dayard, basiquement. Et qui, de nouveau, t'as la même musique que Dayard. T'as plein de trucs comme ça, des petites gimmicks de composition qui vont reprendre des mélodies connues, qui est pertinente. C'est-à-dire, c'est pas Stranger Things, c'est pas le clin d'œil facile. Totalement gratuit. Mais c'est pertinent parce que c'est l'idée du film, mais c'est ça, je trouve, du coup, c'est le seul petit point noir. Après, bon. Si tous les films du monde pouvaient avoir comme un seul point noir, enfin, un point noir, genre de cette taille-là, ça irait très bien. Alors, t'as encore d'autres choses à, sur la fiche technique ou je peux attaquer? Attaque, j'ai fini la fiche technique. Alors, j'ai parlé de la réalisation incroyable. Il y a sur la notion de méta, c'est un film qui est extrêmement touchant. Je vais pas mentir, la scène de fin de Mignola. En fait, c'est un film qui va parler du rapport que tu vas entretenir, je trouve, va parler du rapport que tu entretiens non seulement avec les icônes, mais également du rapport que tu entretiens avec l'univers dans lequel il vit. C'est que c'est une espèce d'univers complètement fantasmé, où tu vas te dire, où tout a l'air plus simple, et effectivement, tout est plus simple, mais tout ne peut pas être réel. Et ça a ce défaut-là. Et c'est un film qui va pas, tu as Ready Player One. C'est un film que j'aime énormément, mais je trouve que Ready Player One a un discours similaire sur le rapport que tu as avec les univers virtuels. Et je trouve la fin de Ready Player One vraiment maladroite, voire un peu dégueulasse. Enfin, de ce côté, c'est réel, donc c'est mieux. Tu vois. Là où Last Action Hero est beaucoup plus fin, et notamment parce que il a une idée scénaristique que je comprends, et que je comprends parce qu'il est très fort, qui est, souvent dans les films méta, on va en parler avec le dernier à toi, c'est une idée récurrente des films méta, c'est soit les persos virtuels dans le monde réel, ou là, les persos réels dans le monde virtuel. Last Action Hero fait les deux, du coup. Bah justement, Last Action Hero, l'idée, c'est qu'il y a les deux. C'est-à-dire que la première moitié du film, c'est le héros réel, donc dans un monde virtuel. La deuxième moitié, c'est des personnages virtuels dans le monde réel. Juste, en parlant de personnages qui sortent de films, il y a un caméo dont on n'a pas parlé, Ian McKellen, qui fait la mort, du septième saut, dans un rôle magnifique. D'ailleurs, t'as vu cette vidéo du journaliste qui demande à Ian McKellen qui gagnerait entre Gandalf et Magneto? Non, je dis quoi? Bah, Gandalf. Merci. Donc, pour le coup, c'est un film qui a vraiment un discours que je trouve très bien mené, merci. Et qui est très fin, qui est vraiment très touchant dans le discours qu'il a, et surtout, le film, un autre défaut que je donne souvent au méta, c'est le fait que le méta joue par définition aussi sur une ligne très fine entre l'hommage sincère et donc par extension touchante de temps en temps et le coup de coude et la moquerie. Ah, la moquerie, le coup de coude et par extension moquerie. Je trouve qu'il n'y a qu'un film de cette sélection qui tombe à moitié dans la moquerie. Il est dans les tiens, c'est pas compliqué de trouver lequel c'est. Mais je sais pas, j'ai beaucoup d'incertitudes. Mais là, il n'y a pas un seul instant où j'ai l'impression que le film se moque parce que tous les trucs qu'il va reprendre, tous les gimmicks qu'il va reprendre, tu sens que c'est fait, je trouve, avec une espèce de sincérité, mais vraiment extrêmement touchant, un regard très touchant là-dessus. Après, en même temps, on parle du mec qui a baigné là-dedans. Qui a fait d'ailleurs, qui a fait notamment des têtes de film de cette vague. Voilà, même Predator. Même Predator, mais c'est vrai, pardon. Et donc, c'est vraiment, je trouve, un film qui est extrêmement malin, qui est en... je parlais du mot, mais le film est drôle, il s'est pissé dessus déjà. Moi, une scène qui me fait toujours rire, c'est la scène avec les trois chiens. Et puis, ils savent faire des tours, ils claquent des doigts, et les chiens font une carrière. C'est con, mais moi, ça m'explose de rire. Dans la même scène, t'as cette réplique de, dis-moi pourquoi je perds mon temps avec un broquignol de ton genre. Tu peux faire des choses beaucoup plus risquées. Comme trier mes chaussettes. C'est bizarre, en s'allumant son cigare, en plus. Voilà, c'est un film qui est drôle, mais parce que c'est pas un film d'action, c'est plus une comédie avec des scènes d'action, mais c'est tellement drôle. Vraiment, c'est un film qui est, par la forme, passionnant, parce que Tiernan, parce que c'est super bien fait, parce que c'est extrêmement bien joué. Mais c'est Schwarzenegger qui n'a pas toujours réussi sa carrière comique, hein, la course aux jouets. Le film n'est pas horrible, mais j'adore la course aux jouets. Tiens, c'est pas Stallone en termes de carrière comique. Il n'a pas fait Arrête, Mother, la tirée. Mais c'est un peu compliqué. Mais là, je trouve que c'est peut-être son meilleur rôle comique, même si la concurrence à côté de lui, c'est pas quand même. Et en même temps, ça reste un vrai film d'action, donc c'est un film qui enterre le cinéma d'action des années 80 de la plus belle des façons possibles. En jetant un regard vers ce cinéma d'action qui est un regard très amoureux, finalement, un regard très touchant, tout en ayant conscience qu'il faut aller d'avant, qu'il faut varier. C'est un film qui, au-delà de parler de cinéma d'action, parle de cinéma, et je trouve qu'il le fait avec une douceur et vraiment un amour pour ce médium qui transpire. Et on a vu Babylone sortir récemment, on en parlait juste avant, Babylone a aussi ce discours-là, et je trouve que Last Action Hero avait ce discours amoureux du cinéma, qui moi me touche énormément, et moi la scène de fin où le jeune Danny finalement parle à son héros, ça super touchant, ouais. C'est un film que j'adore, merci à toi de l'avoir remis dans la sélection, parce que j'en avais un super souvenir, mais pas aussi incroyable, et là, je n'ai qu'une envie, c'est de me prendre le magnifique film dont tu me parleras sûrement plus tard. Ah, bah oui. Et c'est vraiment un film que j'ai trouvé, mais incroyable, qui a des univers, qui a plein d'idées, en fait. C'est un truc qui m'a frappé dans le film, c'est le nombre d'idées qu'il a, parce que, à nouveau, je ne dirais pas sur méta, mais un des risques que peut avoir méta et un des risques, enfin, on va rapidement toucher un mot, mais comment ils s'appellent les deux salopards, là, vous dites ça, les deux salopards, là, qui ont fait ce, qui ont tué le genre parodique, je crois, mais qui avaient cette idée de méta, avec beaucoup de guillemets, parce que là, c'est méta, il faut prendre le 40e degré pour trouver ça bon, quoi. Et, c'est ta gueule. Quoi? C'est le méta gueule. Ça, et surtout, oh, très joli. Mais c'est des gens, surtout, qui sont pas drôles, qui ont pas d'idées. Parce que c'est des gens qui ont un concept de chaîne, et qui l'épuisent en 5 minutes. Alors, j'avais vu un truc, alors, j'ai pas vu le film, je sais plus dans lequel c'est, si c'est Disaster Movie ou quoi, mais il y a une scène avec Beowulf. Il arrive, il fait, je suis Beowulf, et c'est tout. À tous les coups, ça pourrait être Meet the Spartans, mais je vous non, non, non, c'est pas Spartatouille, c'est, par contre, ça se passe de nos jours, mais juste, t'as Beowulf qui arrive, qui dit, je suis Beowulf, et c'est tout. Ouais, c'est pour ça, la comparaison est peut-être un peu maladroite, mais ce que je veux dire par là, c'est que Last Action Hero dure 2h10, ce qui est très long, hein, c'est, à nouveau, sur les rattrapages, le syndrome des films trop longs, c'est un syndrome qu'on a de plus en plus aujourd'hui, hein, c'est des films qui durent 2h, et là, il dure 2h10, il n'y a pas une minute de gras, on se jamais chez vous, vraiment, c'est incroyable. Et c'est un film qui, je ne sais pas, en fait, j'aurais dû tenir un compte du nombre d'idées, que ce soit en termes de gags, en termes de mise en scène, en termes de scénario, pour tout le temps relancer son entrée, pour tout le temps parler, même le nombre d'idées qu'il a pour parler de l'univers du film Jack Slater, pour, en même temps que ce soit un univers qui est cohérent, qui soit cohérent en tant que tel, mais sans jamais s'en moquer, vraiment, enfin, ça, j'ai trouvé ça fantastique. Bref, Roman. Last Action Hero, c'est ton film. Last Action Hero. Last Action Hero, c'est un film que je trouve, mais absolument brillant, mais t'as déjà expliqué beaucoup en long, en large, en travers pourquoi c'est brillant. Je suis désolé. Non, mais t'excuses pas, de montrer ton amour pour ce film, parce qu'il veut, on ne montre pas assez, l'amour, qu'on a pour Last Action Hero. Mais il a tendance à être oublié, mais c'est-à-dire que McTiernan, on le résume à Die Hard et Predator, mais Octobre Rouge, que j'ai pas vu pour l'occasion, mais je suis sûr que si je le revois, je trouve ça tout aussi génial. Non, après, je l'ai toujours pas vu, j'ai le Blu-ray, enfin, Octobre Rouge, c'est un film, formellement, en termes de mise en scène, c'est fabuleux, vraiment. Et ouais, Last Action Hero, c'est, ben, vraiment une vraie déclaration d'amour au cinéma d'action et au cinéma en général, parce que, mais ça transpire la passion par tous les orifices. Et surtout, c'est mis en scène par, et c'est écrit, surtout, c'est, ben, il y a les deux, c'est-à-dire que t'as à la fois une excellente mise en scène pour les scènes d'action et les scènes de comédie, mais t'as, du coup, cette écriture qui est, génial, dans le sens où, bah, comme je l'ai dit, McTiernan, ça fait des années qu'il est dans le cinéma d'action, il sait de quoi il parle, et, on en reviendra sur la cabane dans les bois, mais, c'est des mecs qui sont dans ce milieu-là et qui savent de quoi ils parlent, et McTiernan, mais ça se voit qu'il aime ça, vraiment, c'est un film de passionné. Qu'il aime ça, mais qu'il n'est pas dans une idée conservatrice de il faut que ça reste comme tel, c'est-à-dire que, c'est là que le film vraiment touche la grâce, enfin, atteint la grâce. C'est vraiment que le film est fait par un amoureux de ce genre-là, mais qui a conscience qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut évoluer, que le cinéma va changer, que le cinéma a peut déjà changé aussi. D'ailleurs, j'ai dit, c'est dans un mouchoir de poche avec True Lies, qui est, bah, si Last Action Hero, c'était l'enterrement, True Lies, c'est, les hommages posthumes. Tu vois, c'est bon. Et ce True Lies, c'est la, pas le fait tourner en ridicule, mais c'est le dernier souffle, vraiment, de ce cinéma-là. Et bah, en plus, les deux sont portés par Schwarzenegger. Mais c'est vraiment... Et bah, réalisés par des génies. Et réalisés par des génies, évidemment. Mais c'est vraiment ça que je trouve fabuleux, c'est que le film a conscience de ça et ne va pas chercher à revenir vers ça. Le film va... Le message du film, c'est il faut aller de l'avant. Ce qu'on a fait avant, c'était génial, mais peut-être qu'on peut faire après, ce sera encore mieux. Ça, c'est ça que je trouve... Pas non plus. Et juste, j'aurais pas d'anecdote sur le film, parce que je vais plutôt rediriger vers le taf d'un youtubeur que je trouve absolument incroyable, qui s'appelle Mea, avec 3 E. Voilà. Ouais, voilà. Donc, qui fait, en fait, c'est pas tant un critique qu'un mec qui va parler surtout du développement des films, qui va raconter des anecdotes, mais qui va, du coup, il raconte les anecdotes pour les anecdotes, il raconte les anecdotes pour ensuite le rôle qu'elle a eu. Le mettre dans le contexte de production, dire ce que ça veut dire sur la production du film, par exemple. La Section Hero a eu une campagne promo absolument colossale. Vraiment, on parle quand même de faire la promo du film dans l'espace, parce que du coup, il y a eu une affiche du film sur le côté de la Station spatiale internationale. Non, de la sonde Columbia, je crois. Schwarzenegger to the moon. Voilà, et on estime à plusieurs dizaines de millions la promo du film. On est dans les années 90, hein, c'est énorme. Bah, vraiment, c'est dommage que le film soit cassé à la gueule. Parce que, à nouveau, comme pour Carpenter dans un épisode, qu'aurait été la carrière de McTiernan si le film avait marché, parce que c'est son dernier gros projet, entre guillemets. Après, il fait le troisième guerrier. Le troisième guerrier, alors, j'ai jamais creusé la production, mais à ce qui paraît, le film a été une galère à monter et à finir. Et Basic, après, qui est un plus petit film, parce que c'est quand même Travolta post-90, hein, donc, le Travolta compliqué, quoi. Par contre, il aurait un film en préparation, McTiernan, souvent, et je veux pas ça. Ouais, faut espérer, parce que même Rollerball, si, il a fait Rollerball, mais Rollerball aussi, c'est un film qui a eu, mais combien de galères et combien de difficultés. Bah, Pelicano, déjà. Pelicano, donc voilà. Vraiment, c'est, Last Action Hero, c'est un film fabuleux, c'est un film qui est drôle, c'est un film qui est efficace, c'est un film qui est touchant. C'est un film qui transpire d'amour pour le cinéma et le cinéma d'action, sans jamais s'en moquer. Que faut-il de plus? Que faut-il de plus sur ce film? Alors, où est-ce qu'il est dispo, Last Action Hero? Alors, Last Action Hero, il est dispo en Blu-ray, en 4K et en steelbook français, ainsi que dans un des steelbooks américains qui n'est pas zoné. Parce que le steelbook français, c'était une exclu Fnac, et je dis pas de conneries. Qui aujourd'hui se revend à 100 balles. Hein. Je cherche à voir pour le steelbook français, c'est impossible. Voilà, mais le steelbook américain n'est pas zoné. Il y a la VF sur le Blu-ray et sur le 4K. La VF est très bonne aussi. La VF est incroyable. La VF de Schwarzenegger en général est superbe. Alors moi je l'ai vu en VO et j'ai vu quelques extraits pour VF. J'ai jamais vu le film en VO. Mais parce que mon Daniel Beretta sur Arnold, voilà. Ouais. Aussi, je repensais juste, sur les plateformes, il est pas dispo. Alors, il est dispo à la loc et à l'achat, mais il est pas dispo sur des plateformes, en SVOD, quoi. Donc, il est dispo à la loc et à l'achat sur Filmo, Apple TV, Amazon et Canal VOD. Ok. Et on l'a pas dit, mais du coup, le Blu-ray américain, vous pouvez le choper pour une trentaine d'euros, comme ça, le steelbook américain. Et donc édité par Sony, parce que voilà, ouais, c'est tous les droits. Et je repensais juste rapidement avant qu'on conclue dessus, quand je parlais de science du caméo, c'est-à-dire que c'est un film qui va faire des caméos qui sont visibles, pas des caméos qui, enfin, sauf le Timothy Dalton, hein, mais genre Robert Patrick, vous voyez, Charles Soule, vous voyez, Stallone qui est très drôle d'ailleurs là. Oui. Mais c'est des caméos où si vous avez la référence, si vous avez le personnage, si vous avez l'origine du caméo, finalement, c'est super drôle de 1 et de 2, c'est très pertinent parce que bon, Robert Patrick sort d'un commissariat. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Sharon Stone sort d'un commissariat avec une tenue blanche un peu courte et elle fume une clope. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Enfin, aussi. Bon, allez, on dit Terminator 2 Basic Instinct. Voilà, le truc. Mais c'est... D'ailleurs, il y a, dans la scène de course poursuite, il y a un plan qui est, repris de Terminator 2. Voilà. Et c'est des caméos qui, si vous les avez, c'est pertinent. C'est 2-1 pertinent. C'est cool. 2-2 efficace et 2-3 drôle. Si vous ne les avez pas, ça ne nuit en rien au film. C'est pas un coup de coude, c'est vraiment plus un petit clin d'œil, vraiment, bah, toujours d'amoureux du genre. Voilà. Mais vraiment, c'est un film, c'est incroyable. Vraiment, c'est le meilleur film de cette sélection, voilà. Sans trop problème. Mais même pas que dans les caméos, c'est-à-dire qu'il y a quelques trucs, par exemple, la dynamite des méchants, que les méchants balancent sur l'adaptateur, c'est quoi? C'est la dynamite Acme. C'est surtout dans tous les Looney Tunes, c'est comme ça, et d'ailleurs, donc, déjà, ça tente le truc, vraiment, c'est de la fiction. Mais ce qui est malin, c'est que dans le monde réel, à la fin, quand t'as Jack qui se balance quand t'as Jack qui essaye de sauver Danny en l'immeuble, bah qu'est-ce qu'il y a? Il y a une grande banderole Acme. Donc comme quoi, le monde réel de Danny, ça reste de la fiction. Il y a tout ce matériel aussi. Bah, Meur en parle, mais par exemple, le fait que quand Schwarzenegger essaye de péter une vitre à la main et se fasse super mal. Mmh. Jack Slater, du coup, c'est le personnage de Jack Slater. Oui, le personnage de Jack Slater passe ça dans le monde réel et qui se fasse mal. Il dit mais putain, c'est pas comme dans mon monde. Et Danny lui dit bah non, dans le monde réel, les péter le but ça fait mal et les méchants ils laissent pas d'indice comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quelques minutes après? Arnold défonce une porte de taxi sans difficulté, ouais. Et trouve un indice. C'est ça. Et même il y a plein de petits trucs de mise en scène. T'as parlé de ça, mais pas. Aussi, le fait que le numéro, enfin, quand il passe du monde 2D fictif de Jack Slater au monde 3D réel de Danny, qu'est-ce que c'est le numéro de maison de Danny? 3D. T'as plein de petites trouvailles comme ça, enfin, le film, je pense que vous pouvez l'analyser sur plein de, sur la mise en scène à nouveau, c'est complètement fou. Le Die Hard, je pourrais, enfin, Karim Debbache a fait un live dessus, je crois, sur un jeu Die Hard où il parle du cinéma de McTiernan et de Die Hard en particulier. Mais c'est vraiment un cinéaste qui, c'est pas un faiseur, c'est pas un yes man, c'est quelqu'un qui sait mettre en scène ses films et qui trouve un nombre d'idées incalculables pour tout faire passer par l'écran. Bref, je dis le mot, c'est un génie. Vraiment, c'est un génie qui est malheureusement est un peu trop oublié. On passe à la suite? On passe à la suite. Et donc, on passe dans les années 2000 et on arrive avec Fist. Alors, Fist, c'est un film qui est réalisé, comme j'ai dit, par John Gulager. C'est un film qui a été produit en concept dans le contexte de Project Spotlight. Alors, Project Spotlight, c'était un télécrochet dans les années 2000 qui était présenté par Matt Damon et Ben Affleck. Et le concept, c'était de pitcher un film à Damon et Affleck. Et le truc qu'ils préféraient, ils le produisaient. Donc, le concept, c'était ça, basiquement. Et Fist, si je dis pas de bêtises, deuxième saison, je crois. Et donc, c'est un film qui a été produit avec à la production d'un entre autres Wes Craven, par ailleurs. Alors, donc, comme je dis, le réalisateur, c'est John Gulager. John Gulager. Alors, John Gulager, c'est quelqu'un... Fist, c'est cool. On va en parler. La suite de sa carrière, ça a l'air un peu moins. C'est-à-dire qu'il a fait Fist 2 et 3, qui sont... Enfin, j'en parlerai un peu moins, mais qui sont un peu moins, en fait. Il a fait Children of the Corn, Runaway, quand même. Enfin, quand tu tombes dans Children of the Corn, c'est qu'a priori, ta carrière est à peu près foutue. Et il a surtout fait Piranha 3DD, qui est une merde. Je trouve ça abominable. Piranha 3DD, c'est... Ouais, j'aime bien. Non, moi, je trouve ça irregardable. Mais parce que je suis beau, aussi. Ah, mais c'est abominable. Alors, au scénario, on a Patrick Melton et Marcus Dunstan. Alors, ces deux bonhommes, alors, ils ont bossé sur Saw. Ils ont fait les scénarios de Saw 4, 5, 6, 7. Et il me semble que c'est Patrick Melton a réalisé les collecteurs 1 et 2. Les deux ont scénarisé les collecteurs. Donc, bon. Disons des gens qui aiment bien la tripagne. Alors la photo... D'ailleurs, il y a un Collector 3 qui est en préparation. Il va s'appeler The Collected. The Collected, oui. Mais pour le coup, ça fait quelques années qu'il a annoncé. On n'a toujours pas de nouvelles. Ensuite, la photo, c'est Thomas L. Calloway. Alors c'est quelqu'un qui n'a rien fait de vraiment marquant. Il a fait du Critter, c'est du MTV, donc bon, ça va. La musique, c'est une musique très dans l'esprit du film. On va y revenir après. Hein. Mais genre, par exemple, il y a des gros, genre Skid Row, Basti Trek, quoi. C'est... Ça en dit long. Au budget, on est sur un budget de 3,2 millions de dollars. Et alors, au casting, on n'a pas vraiment de noms connus. J'en ai noté quelques-uns quand même. On a Balthazar Getty, qu'on avait vu dans Lost Highway. On a Duane Whitaker, qu'on avait vu dans Halloween 2, Devil's Reject, ce qui est pas mal. Henry Rollins, qu'on avait vu dans Lost Highway aussi, Edith. Alors, pour ce qui est du synopsis, à nouveau, merci Internet. Dans un bar perdu au fin fond du Texas, la soirée se déroule paisiblement, quand brutalement la nuit tourne au cauchemar. À quelques pas de là, des créatures mutantes affamées se sont échappées d'une base de recherche militaire. Et elles ont faim de chair humaine. Alors, c'est pas le film le plus inventif de ce soir. C'est pas le film le plus inventif tout court. Alors, pourquoi il est méta? Commençons par là. Pourquoi il est méta? Parce que c'est un film qui, à l'image de Peur Bleue de Rémi Arline quelques années plus tôt, joue énormément sur les attentes du spectateur vis-à-vis de certains rôles de personnages. C'est-à-dire que dès le début du film, le film va présenter ce personnage en faisant une espèce de flash sur eux, où il va présenter avec des lignes de texte. Disons, lui, c'est le héros, lui, il est avec notamment des blagues sur l'espérance de vie de tous les personnages qui sont très drôles. L'espérance de vie de lui, c'est un personnage, c'est, il devrait bien survivre la nuit, quand même, des fois que. Et, un personnage qui s'appelle le héros, qui est censé arriver, qui est badass et tout, qui, c'est même pas un spoiler, hein, ça fait un inconnu, qui, en à peu près 1 minute 30, se fait délinguer. Il y a un enfant qui se fait massacrer dans le film, donc, c'est un film qui va beaucoup jouer avec les attentes des spectateurs. Alors, pourquoi j'aime ce film? C'est un film que je trouve extrêmement festif. Il sort j'aime quand on massacre des enfants. Déjà, mais c'est un film que je trouve extrêmement festif. C'est-à-dire qu'il sort un peu avant cette vague Grindhouse qu'on aurait eu dans les années 2000, avec bon, Planète Terreur, qui est un très bon film, et Boulevard de la Mort, qui est un film plus mitigé, on va dire. Et la vague Grindhouse, on aura eu plein de films, on a mis plein de merde. On aura eu Machete 1, qui est une merde. Machete 2, qui est encore pire, c'est bien quand même. On aura eu Drive Angry, avec Nicolas Cage, qui est rigolo, qui est très mauvais, mais qui est rigolo. On aurait eu Robo with a Shotgun, que moi j'aime bien. C'est sympa. Et, je trouve que celui-ci se place pas si mal dans cette vague de Grindhouse. C'est-à-dire que c'est très gore. C'est vraiment très très gore. Mais c'est du, l'effet pratique, c'est bien. C'est très con. Mais, j'ai une vraie sympathie pour le film parce que je sens que c'est fait par quelqu'un qui visiblement aime bien ce qu'il fait. Donc, qui après aura une carrière qui aura chuté, quoi. Mais, c'est un film dans lequel je prends beaucoup de plaisir, qui arrive à jouer avec les attentes que moi j'en ai, duré de la France, il a pensé, et globalement, c'est tout ce que je peux avoir envie de voir dans un film de monstre, et qui, pour un film sorti en 2005, n'a pas de CGI pourri, n'a pas trop d'espèces d'esthétique clouillée, c'est très suintant, il n'a pas trop ça. L'esthétique, remake de Massacre à la Tronçonneuse, exactement, l'esthétique remake de La Colline des Dieux. Voilà. Mais alors, maintenant, le gros problème du film, c'est la réalisation. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de shaky cam, c'est vraiment dommage dans certaines scènes d'attaque de monstres. Le film vieillit très mal. Il y a des vannes où, bon, c'est... Ouais, c'est compliqué, les surnoms des personnages féminins, notamment, c'est. Ouais, bon, c'est tout un poème. T'as des exemples là? Bref, c'est. Je vous laisserai découvrir, c'est. Enfin, j'en ai noté, mais je pense qu'il vaut mieux les découvrir. Voilà, après, aussi, la vibe Grindhouse, alors. Ça peut être un argument de qualité, donc, ça peut être un argument. C'est-à-dire que c'est très bête, c'est très sanglant, c'est vraiment un esprit très festif, finalement, des bières, des pizzas, etc. Et des potes. Et des potes. Mais c'est peut-être aussi sa limite. C'est-à-dire qu'il va. Il va certes jouer avec tes codes. Mais il va jamais faire quelque chose avec ça. C'est-à-dire qu'il va juste te dire, ce serait marrant si ce personnage, au lieu d'être le héros, on le tuait. Et il va jamais faire autre chose que ça. Bon, ce qui est-ce que on peut le blâmer pour ça? Je sais pas. À la base, je suis très honnête, j'avais hésité pour le film Tragedy Girls, Qui est très cool, je crois. Qui est pas mal du tout. Qui est un film sur deux filles qui viennent un peu tuer en série. Que j'avais vu en festival à l'époque, je l'ai pas vu depuis. Mais ça mérite pas un film. Qui est chouette. Qui est vraiment chouette. Non, je sais pas comment il tente de réaliser là. Mais je me suis dit, je vais prendre le film. Déjà parce que le film est beaucoup moins connu. Je me suis dit, j'ai envie de le mettre en avant. Et parce que, honnêtement, voilà, des films Grindhouse réussis, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup du tout. Certes aussi dans Grindhouse, quelque chose qu'on oublie, mais c'est des fausses bandes annonces qu'il y avait. Genre la bande annonce du Rob Zombie. Alors c'est marrant parce que la bande annonce du film de Rob Zombie, version 1 minute 30, donc, comme c'était voulu de base, ça passe. Il en a mis une version longue sur sa chaîne YouTube qui dure 5 minutes, c'est trop long. Là, mais tu me diras, la bande annonce de Machete, ça passe, le film c'est nul. Là, c'est, ça, on a aussi le Edgar Wright est pas mal, la cut, et le Eli Roth, pour Thanksgiving. La bande annonce est nulle. Bon, venant de Eli Roth, est-ce que c'est étonnant? Je ne sais pas, je vais pas beaucoup développer. Mais, tu vois, quand je vois qu'il va en parler en métrage, c'est pas fichu. Mais voilà, c'est pour ça, je trouve que dans cette vague Grindhouse, il s'en sort vraiment pas mal. Si on est prêt, pour le coup, alors, je sais que l'expression, oh, il faut débrancher le cerveau, c'est un peu galvaudé. Là, pour le coup, faut vraiment faire ça. C'est vraiment un film qui, à part quelques scènes gore cool, et le fait de jouer globalement avec ce que vous pouvez attendre de ce genre de film, n'a rien d'autre. Ok. Bah, c'est pas tant un film qui exige de débrancher le cerveau, c'est plutôt un film récréatif, dans le sens où, bah, ça va être du kill. J'aurais du kill dit régressif gros. Aussi. J'aurais dit régressif. Aussi, mais c'est un délire assez bourrin. Et où ça vole pas beaucoup plus haut que on va massacrer des gens et on va le faire de façon trash et on va se marrer. Maintenant, le gros problème, c'est vraiment la shaky cam. C'est-à-dire que il y a des effets cool, bien prosthétiques, bien crades, mais le fait que la caméra est à Parkinson, ça empêche vraiment de les mettre en valeur. Maintenant, c'est une émission qui vient d'être décrochée. Et bon, c'est pas étonnant de, enfin, Pierre Natrodé démontre tout son savoir-faire de réalisateur, et c'est, il filme mieux ses monstres en prosthétique que ses Pierre Alain en 3D. Bah, en même temps, là au moins, il sait quoi filmer. Oui, mais Pierre Natrodé, je pense qu'il sait pas quoi filmer du début à la fin du film. Alors après, Fist, est-ce que le film a vieilli Roman? Ne hâte pas les surnoms de personnages féminins, mais à quel point le film, sur une échelle de 0 à la filmographie de Luc Besson, à combien ça vieillit mal? À combien ça vieillit mal? Alors, ben justement, si on va sur une échelle de filmographie de Luc Besson, on est plutôt à Valérian ou à Nikita? On est à Subway? Aïe! Christophe Lambert en peinture blonde décolorée. Wouah, j'ai des images. Non, c'est régressif quand même, c'est vraiment pas un grand film. C'est pas un grand film. Après, le film part sur un postulat de, on va foutre des gros monstres, des gens teubés, mais teubés avec une teub majuscule, hein. Et, l'avantage, c'est qu'il cherche pas à se prendre pour plus qu'il n'est, hein. C'est-à-dire que ça démarre au bout de 10 minutes, 15 oui. minutes peut-être, un grand max, et, tout le temps, ça enchaîne, hein. Il n'y a jamais de temps mort, ça va vite. Il y a des gags très bêtes, mais si on a un, moi, me fait toujours rire, enfin, même si c'est très beau, frère. C'est lorsque la fille arrive à aller dans le camion et se barre. Oui, c'est sûr, on se dit tous, ah, elle va faire comme dans les autres films, elle va aller les aider, et là, non, elle s'en... Sur moi, ça marche. Et il y a quelques... Plus j'y repense, en le revoyant, peut-être, je disais que le film n'était pas incroyable, vraiment pas. C'est peut-être le film le moins bon qu'on a ce soir, mais c'est un film dans lequel je prends beaucoup de plaisir, et j'ai peut-être mis le doigt aussi sur pourquoi. Parce que le film est vraiment mauvais. Genre ça gosse. Ouais, genre, des monstres qui baisent, et ben voilà, il y a ça. Un monstre qui va bégayer à mon frère, mais genre, il vomit tout sur un mec. Il y a ça, évidemment. Un enfant qui se fait massacrer, mais évidemment qu'il y a ça. Un monstre qui va... je sais pas s'il la mange ou s'il la viole, mais... Bah oui, c'est ça. Qui va s'occuper d'un des personnages, en tout cas. C'est ça. C'est ça. Alors, le viol n'est pas drôle, mais en fait, le fait... En fait, il faut voir la tête des monstres pour comprendre pourquoi ça devient un peu drôle. Mais enfin, c'est compliqué. Là, je m'aventure sur un terrain glissant, je vais pas aller plus loin. Voilà. Le viol, c'est pas drôle, mais vous voyez le film, vous comprendrez de quoi je parle. Mais il y a des monstres qui s'accompagnent, visiblement. C'est un film de sale gosse, et je pense vraiment que... Alors, j'ai pas vu tous les autres projets Spotlight, mais j'ai vu que le sujet de la première saison, visiblement, c'est pas... Et des retours que j'ai, ça avait l'air d'être un délire d'auteur un peu nul. Et celui-là, honnêtement, je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est plaisir coupable ou pas, peut-être un peu. Je vais revenir à la scène de viol, entre guillemets. En fait, c'est cadré de telle sorte que, bah, tu sais pas si, genre, juste il est en train de rugir, ou s'il est en train de s'occuper d'elle. Voilà, de lui mettre sa bite dans la gorge, alors qu'elle est probablement déjà morte, en plus. Alors, non, elle est pas morte, elle revient après. Ah, putain. Elle revient après, mais on sait pas trop, c'est très incertain. Mais après, aussi, j'ai vu un truc, de tout ce qu'a produit Wes Craven dans les années 2000, ça passe. Vraiment, ça passe. C'est-à-dire qu'il a quand même produit Girl in the Photograph, qui est... Bah, tu vois, si un jour on fait un film de production de merde, on ira chez Sam Raimi, mais on ira aussi chez Wes Craven. Il avait aussi produit un truc avec Michel Rodriguez, je crois, avec des loups, qui était The Breed, qui était pas bien. Donc, à un moment, honnêtement, je dis, fils, j'aime bien, mais c'est... En fait, c'est très dur à défendre. Je pense que si quelqu'un vient me voir et me dit, j'aime pas fils, je vais pas chercher à le convaincre du contraire. Je trouve que clairement, le film vole pas très haut. Après, bah, c'est de la grosse giclée de sang, quoi. Et, bah, c'est pas déplaisant. Voilà. Après, il y a une scène de, enfin, oui, la scène de viol gratuite, ça dure 5 secondes, hein. Oui, c'est pas sérieux que chez vous, quoi. Voilà. C'est juste, bon. Je vais pas qu'on bute des gosses, mais ça. Mais surtout, le film, enfin, je pense que le film est tellement bête, selon Wikipédia, c'est bien une scène de viol. Maintenant, le film est tellement bête, je pense que le mec s'est juste dit, et là, tu t'occupes d'elle, plus que tu veux. C'est ça, parce que vraiment, il y a que dans un contexte d'une émission de télécrochet que, ça peut être produit, j'imagine. Et maintenant, faut se dire un truc. C'est que ça, c'était, à défaut d'être le meilleur, il n'y a plus le plus à Affleck et Damon. C'est-à-dire, le niveau des autres. Donc voilà. Alors, rapidement sur les Suisses, oui, évidemment. Alors, Fist 2, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Bon, Fist 1, peut-être aussi, hein. Mais Fist 3, c'est un peu mieux. Les 3 essaient de jouer un peu, avec ses codes méta. Non, ça va jamais très loin. Toi, le côté méta. Le côté, comment dire, genre les flashs des débuts qui peuvent apparaître. Parce que je sais que j'ai un ami qui déteste Fist. S'il écoute ce podcast, je pense très fort à toi. Mais, j'ai un ami qui déteste ce film pour 3 raisons. De 1, le côté, c'est les flashs de personnages ou autres qui trouvent que ça vit horriblement mal. De 2, alors, il y a un peu SJW sur les bords. J'ai pas besoin de détails pourquoi il n'est pas fait. Et 2-3, il trouve que le film est irregardable à cause de la shaky cam. Je peux pas lui donner tort sur les 3 points. Alors, je trouve que la shaky cam, ça va pas spécialement déranger. Le côté un peu sexiste, bon, bah, il est dans son jus, quoi. Il est produit par la Miramax, évidemment. Du coup, il y a bien les deux bonnes derrière. Voilà. À tout hasard. L'homme et complice. Voilà. Après, bah, je trouve que c'est vraiment le bétail est très léger. Mais vraiment. Oui, c'est le film qui en fait le moins de trucs. En fait, moi, j'avais le souvenir qu'il jouait justement avec ces codes-là, mais honnêtement, la raison pour laquelle j'ai pris, c'est bien parce que je voulais en parler, parce que c'est un film que j'aime bien. C'est un film qui est très bête, très régressif, mais qu'on oublie souvent. Et à l'heure où des séries B de ce genre-là, qui vont à l'essentiel, qui honnêtement sont pas trop longues, qui sont efficaces, qui sont très rares. Je t'avais raconté, j'ai vu The Invitation là et... Oh, putain, parce que le machin, il dure un peu plus d'une heure trente, ça démarre dans les 10 dernières minutes, et les 10 dernières minutes, c'est normal, parce que c'est pas ce qu'il y a de voilà. Invitation, c'est le bal de l'enfer. Le bal de l'enfer, oui, désolé. Qui est pas... J'en parle dans le bilan, mais la seule chose que ce truc a à offrir, c'est la mâchoire du Big Scoop de son Dracula. Donc, non, c'est ça, et... Je sais pas, c'est bien, enfin, c'est bien. Il remplit la fonction du monde de l'enfer. C'est-à-dire tout ça. Et c'est un film qui, pour sa personnalité, on va dire, a ce côté, toujours jouer la carte inattendue. Toujours jouer la carte que tu te dis, ah, c'est ça qui va se passer. Et en fait, non. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est peut-être aussi sa faiblesse parce que il va toujours faire l'inverse de ce que tu penses qu'il va faire. Donc, au début, tu te dis, ok, il va faire ça, il ne le fait pas, il fait l'inverse. Donc, à la fin, tu te dis, je m'attends à ça, donc il va faire l'inverse, et effectivement, c'est ce qu'il fait. Voilà. Mais Scream 4, c'est l'inattendu, le nouveau cliché. C'est exactement ça, et pour le coup, Fist tombe là-dedans. Et donc voilà, Fist, en revanche, faites bien attention, faites pas comme moi qui ai failli revoir ça. L'affiche ressemble un peu à celle de Animal, qui est un autre film d'horreur. Ouais, c'est bien truc ça. Et ça, c'est pas bien. Et Animal, ça, en revanche, c'est vraiment pas bien. Mais donc voilà, Fist, je recommande. Je ne mourrai pas sur une colline pour le défendre et je ne demanderai pas à ce qu'on le réhabilite tous les jours. Mais voilà, si vous aimez la vague Grindhouse un peu, toi t'aimes bien la vague Grindhouse. Enfin, je pense surtout à Planète Terreur. Mais que j'ai pas vu, figure-toi. Mais genre Hobo with a Shotgun. C'est sympa. Hobo with a Shotgun, en fait, je me rappelle de cette scène hallucinante de chasse au clodo dans la ville. Tu dis, ok. Voilà, mais donc si vous aimez le côté mauvais esprit, sale ambiance un peu crade, honnêtement, vous faites un double programme entre ça et Planète Terreur, vous ramenez des potes et des bières. J'ai des pizzas et je vous jure, ça passe tout seul. Voilà, Fist. On passe très rapidement dessus, mais c'est... Moi, c'est un film que j'aime beaucoup et que j'invite les gens à voir. Voilà. Et donc, Fist, très rapidement, il est dispo en Blu-ray américain. Alors, ça dit pas s'il est zoné ou pas, mais donc, normalement, non. Il est zoné. Il est zoné, j'ai vérifié, il est zoné. Également, Blu-ray canadien, australien et britannique, mais sans sous-titres, par contre, le britannique. Allemand, peut-être? Et ben, même pas. Wow! Mais il existe en DVD. Il y a un DVD français édité par TF1 Vidéo qui se trouve dans tous les Cash Converters. C'est un des titres récurrents, il n'est pas. Ah, pour le coup, je crois que je l'ai jamais vu. Ah, si, moi, pour le coup, je l'ai vu plusieurs fois. C'est vraiment, c'est un film très récurrent. Et, les suites sont en DVD en France. Et, si je ne dis pas de bêtises, on revérifiera plus tard, mais pas maintenant, mais, le 3, la France est un des seuls pays à l'avoir en film. Je crois, peut-être. Je ne pensais pas. Et il est dispo sur Vudu et sur Tubi, gratuit avec des pubs. Pas étonnant qu'il soit sur Tubi, hein, c'est... voilà. Alors, on parle de la plateforme qui a, Thanksgiving 1 et 3. Ouais, et on peut, Vudu, on parle de la plateforme qui a, ça revient dessus, quand même. Voilà. Donc, voilà. Alors, Vudu et Tubi, si vous savez pas, c'est les plateformes de streaming gratuites aux États-Unis. Donc, si vous êtes aux États-Unis, ou que vous avez un VPN, n'hésitez pas à les vérifier, ils ont des catalogues qui sont assez incroyables. Alors, surtout Tubi d'ailleurs. Qui assez colossaux et gratuit du coup en échange de pubs. En échange de quelques pubs honnêtement. Voilà. Donc voilà, Fist, allez-y. C'est un peu comme le pire, c'est un peu comme le Black Christmas 2006. Je sais pas si c'est un bon film, je pense. Potentiellement pas. Mais c'est un film que j'invite vraiment à voir et que moi je prends beaucoup de plaisir. Donc voilà. On passe à mon dernier film. Alors. On va un peu revenir sur les terres de C'est arrivé près de chez vous, puisqu'on va parler de Derrière le masque. Alors, n'en veuillez pas, je vais l'appeler Leslie Vernon, parce que c'est le titre américain qui est Behind the Mask, The Rise and Fall of Leslie Vernon. C'est comme ça que je le connais, c'est comme ça qu'il est connu, généralement. Donc, c'est sorti en 2006, ça dure 1h32, mais qu'est-ce que c'est? Film 1h30, c'est parfait, c'est différent en vrai. C'est écrit et réalisé par un petit bonhomme, qui s'appelle Scott Glosserman. Alors, il a réalisé pas grand-chose, il a réalisé un documentaire sur Wikipédia. Et il a un projet de suite à Leslie Vernon, projet auquel je m'oppose fermement, je vous parlerai après. Alors, le synopsis, merci à Internet toujours, je vais finir par m'enregistrer en train de dire merci à Internet et je le calerai au montage à chaque fois que je le dis. Donc, Leslie Vernon, un homme à l'apparence un peu plus normale, aspire à devenir le prochain grand tueur psychopathe reconnu par ses pairs, en s'inspirant de Freddy, Jason, etc. Ils sont cités dans le film. C'est... Ouais, dans la direction du film, ils existent. Voilà, c'est notre univers en fait. Non, ils existent en vrai, Ils existent, oui. Bah, au début, genre, ils disent, dans la rue Elm, ils disent que c'est mais tu rêves de ce mec qui te tue, à Haddonfield ou autre. Non, la blague sur Haddonfield est très drôle parce qu'il va te refaire des plans d'Halloween. Ou moi, j'aime que ça fait. Et ils décident donc d'inviter une équipe documentariste à le suivre pour réaliser un documentaire à son sujet. Alors, très rapidement, alors à la photo, on a Jaron présent. Alors, la photo est moche, c'est normal, on parle quand même du mec qui a fait le dernier bon Toby Hooper, qui est Mortuary, ou Rampage. Ouh! Quel Rampage 2? Ah, The Rock! Le Weevil! Ouh! Ah ouais, non, j'ai l'enfer! alors, au casting, on a Nathan Bezel, qui joue Leslie Vernon, qui est peut-être le meilleur rôle qu'on a dedans. Enfin, le meilleur acteur. On a Robert Englund. Voilà. Freddy, quand même. On a Scott Wilson, qui devait jouer dans Le Dernier Samouraï, il me semble, dans The Last. Je dis ça de mémoire. Et on a, évidemment, Zelda Rubinstein, qu'on avait vu dans Poltergeist, et dans un film que j'adore, Stop Stop Time. Donc voilà, alors, Leslie Vernon, C'est la... Les Bibliothécaires? Ouais, ok. Alors, Leslie Vernon, c'est pas un film parfait, loin de là. C'est un film qui va avoir exactement même la même structure que C'est arrivé près de chez vous. C'est Sauf que là où C'est arrivé près de chez vous va livrer une vraie réflexion sur la violence et sur quelque chose de plus général sur les médias et le journalisme, la Slither Knot va plus se concentrer sur la réflexion intrinsèque au genre. C'est-à-dire que le slasher, alors on en avait rapidement parlé lors de notre premier épisode sur les slashers, ça remonte. Le slasher, c'est un genre qui tourne très vite en rond. C'est un genre qui a une formule tellement codifiée, tellement évidente, que rapidement il va tourner en rond et il a ressuscité en parlant de lui-même. C'est-à-dire que enfin, le slasher, on peut quasiment distinguer trois vagues aujourd'hui, qui est la vague des années 80, le néo-slasher qui a ressuscité en parlant de lui-même, et le slasher entre guillemets actuel, qui n'a pas encore de nom maintenant. Il y a eu la vague de slasher très bourrin dans les années 2000, mais qui était plus un retour aux années 80, et la vague de slasher actuel, qui était ce qu'on pourrait quasiment le slasher, entre guillemets, qui, des petites idées, entre guillemets, genre la pubertaine, ouais. Là, c'est un slasher qui ne peut survivre qu'en s'appuyant sur un autre genre. Freaky. Voilà. Ça, deux films de Christopher Nolan. Le prochain, c'est en cette année. Comment il s'appelle? We Have a Ghost, je crois. Il y a Anthony McKee et David Harbour. Ok. David Harbour, il va se faire une belle carrière. Entre Gran Turismo, là, c'est, genre, je l'attends au tournant. Gran Turismo, si elle est grave, le film, c'est tout de suite. Et donc, c'est un film qui va plus parler du genre du slasher. Parce qu'en fait, il est moins percutant que C'est arrivé près de chez vous parce que, comment dire, il est moins radical dans la proposition. Il est beaucoup plus comique, mais là où C'est arrivé près de chez vous, un humour très noir, très observant, lui, il est beaucoup plus comique ouvertement. Je pense que je te laisse après parler de comment est-ce qu'il est drôle, notamment la scène de fin. Et il va se poser justement d'héritier du slasher, parce que j'ai dit que le slasher avait réussi en parlant de lui-même. Scream parle de slasher. Tu vois que les derniers parlent de slasher. Lui, enfin, Leslie Vernon en général parle de slasher. Voilà. Leslie Vernon, non seulement parle de slasher, mais se passe dans l'univers où les slashers sont réels et va parler d'eux. C'est-à-dire que Scream, si j'essaie de schématiser ça, Scream veut, je vais prendre Scream comme exemple parce que c'est le meilleur exemple, c'est l'exemple le plus facile, on va dire, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre film de cette vague en général. Scream va se dérouler dans, enfin, se veut se dérouler dans notre univers. L'univers où, par exemple, Halloween et Carpenter existent. Notre diégèse, mais les slashers existent en tant que film. Halloween de Carpenter, je dis, existe en tant que film. Va parler de ces films-là. Leslie Vernon se passe dans l'univers où Halloween de John Carpenter n'est pas un film, mais est un fait divers. Et parle de ça. Et c'est vraiment, ça rajoute encore un troisième degré de méta, potentiellement. Ce qui permet de prendre plus de recul sur le sujet. Mon seul regret sur Leslie Vernon, c'est que je trouve qu'il a une démarche qui est très pertinente, quand c'est pas ça, qui est vraiment noble dans son approche et assez drôle. Je te laisserai cette partie-là. Mais je suis plus sceptique sur la fin, où je trouve que la fin, il va lâcher, l'approche documentaire pour une approche plus normale, en fait. Parce que du coup, tout le film est en train de côté, sauf la fin. La fin, ouais. qui est filmé de façon normale. Mais, justement, je trouve que, et surtout, il a un petit twist. Et je trouve ça dommage que le film succombe à la facilité d'un twist, ce qui, pour moi, gâche un peu tout ce qu'il avait fait avant. Fait que tout ce qu'il avait fait avant, finalement, tombe un peu à plat. Je trouve ça dommage, mais bref. Toi, Leslie Vernon, tu l'avais jamais vu, si je dis pas des choses. J'ai jamais vu. Comment? C'est très cool, Leslie Vernon. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le dernier que j'ai rattrapé pour cet épisode, je crois. Quoi, c'est le dernier? Donc voilà, je vais peut-être regarder quelques films méta, et là, donc, je regarde ça, et je me dis, c'est trop cool. Genre vraiment, c'est très cool, Leslie Vernon, parce que, justement, il y a tout l'aspect, comme tu as dit, où ça se passe dans le monde des slashers. Mmh. Et tu l'as dit, là, c'est fait par un passionné. Rapidement, je rebondis pour te permettre de rebondir encore plus haut. Ça, tu disais le méta qui est fait par des passionnés. Je pense que Scott Glosterman, l'auteur, a dû se bouffer un nombre incalculable de slashers parce qu'il arrive vraiment à te décortiquer chaque trope qui aujourd'hui est quasiment considéré comme ridicule du slasher. Je te laisse détailler quelques gags du film, mais voilà, sans tout défaut. Par exemple, le coup de la pierre reliée à des fils de pêche. Explique donc. En gros, il est avec son équipe de journalistes, de documentaristes. Et donc, Leslie Vernon, notre futur serial killer en herbe, leur montre donc la fille qu'il a prise comme proie. Donc il montre un peu pourquoi c'est elle qui est choisie, parce que elle est vierge. voilà. Parce qu'elle est vierge en signe astrologique. À la limite. Parce que la Vierge, parce qu'elle a un groupe de potes, c'est à la fois les gros footballeurs américains et à la fois les stoners ou les trucs comme ça, voilà. Typiquement les persos clichés que tu retrouves dans tous les vendredis 13, j'ai envie de dire. Ouais, surtout les vendredis 13. En fait. Je pense que, maintenant que tu dis, le film a vraiment vendredis 13 en ligne de mire, en fait, l'affiche. L'affiche, c'est, ça pourrait être une affiche de, oui. Et même le masque, ouais, non. Tu as trouvé, je pense, le modèle parfait de Les Hivernes. Bah, après, vendredi 13, c'est plus ou moins le modèle de tout, de tous les slashers. Pas ouf. Bah, c'est-à-dire que Halloween est le modèle de vendredi 13, et vendredi 13 est le modèle de beaucoup de slashers qui ont cette vague de, d'adolescents, vraiment avec tous les clichés qu'on connaît, comme quoi c'est les adolescents qui font la fête, qui, Bah, ici, on n'est pas Team Jason, hein. C'est sur l'affiche du podcast, il y a Freddy et Michael Myers, et qu'il n'y a pas Jason, c'est pour une raison. Mais allez. Non, mais du coup, voilà, il explique à ses documentaristes pourquoi c'est elle, voilà. Et à un moment, il explique globalement comment il fait peur à la fille, c'est-à-dire que elle bosse dans un café, elle sort les ordures, elle bloque la porte avec une pierre, lui, trop malin, il a relié la pierre à du fil de pêche, comme ça après, la porte se ferme, la fille, elle a peur, et lui, il se met au loin, comme ça. Elle voit une silhouette au loin, et, ouais, je sais, je... Complètement con, mais si vous avez vu, si vous l'avez pas vu, on va vous inviter à aller voir sur Shadows. Il y a un court métrage, oui, qui s'appelle That Doesn't Feel Right. Something Doesn't Feel Right. Bien vu, qui dure bon 10 minutes. Qui est, moi, je trouve un des meilleurs courts métrages que j'ai pu voir. Je trouve ça mais super mal. Et dans ce court métrage, on voit un tueur de slasher, mettre en scène toute une situation classique de slasher. Et c'est super drôle. Et Leslie Vernon, c'est ça sur 1h30. Avec notamment à la fin, sans trop divulguer, mais tous les clichés classiques, on se dit, mais ils pourraient sortir par la fenêtre, les ados. Oui, mais non. Parce que j'ai cloué la fenêtre. Non, mais ils pourraient péter la tête. Oui, mais non. C'est quoi? Parce qu'il va se faire mal, un truc comme ça, avec la lutte, ouais. Un truc comme ça. Enfin, vraiment, c'est très mal à moi. Mais ils pourraient tomber sur les dents. Oui, mais non. Parce que je les ai cachés. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment très drôle. Mon seul regret, c'est la fin. Tombe vraiment à plat parce qu'il adopte une approche qui, en fait, ce qu'il entend dénoncer et pas tourner en ridicule, c'est pas ça, mais mettre en abîme. Ce qu'il entend mettre en abîme pendant tout le film, bah, le fait d'adopter une mise en scène plus classique à la fin, on se dirait, ah, du coup, il va faire mieux. Bah non, en fait, il fait exactement ce qui est prévu, avec éventuellement un petit twist, mais qui est même pas si que ça. Donc, moi, je trouve un des plus que je trouve intéressant dans le film, spoiler, c'est le fait que, en fait, c'est pas du tout Leslie Vernon. En fait, Leslie Vernon, c'est une légende urbaine qui est dans la ville où il commet ses crimes. Et en fait, le tueur, c'est pas du tout le vrai Leslie Vernon, c'est juste un espèce de psychopathe random. Et je trouve ça plutôt malin, parce que ça désiconise complètement, et c'est une mise en abîme plutôt maligne, je trouve, pour mettre en avant le côté que, bah non, en fait, c'est juste un type random qui un jour s'est dit, hey, tu sais quoi, d'accord. C'est ça que je trouve plutôt bien. Voilà. Mais Leslie Vernon, aussi un autre truc que j'ai en tête, je pense à beaucoup... en fait, je pense que Leslie Vernon est ce que Scary Movie aurait voulu être. Dans le sens où il va déconstruire intégralement un genre. C'est ce qui, après, peut-être parce que la comparaison avec Scary Movie est un peu maladroite, je pense que tu connais mieux Scary Movie que moi, et les intentions des deux réels, surtout. Je sais pas s'il voulait faire une déconstruction, ou plutôt une espèce d'hommage pop culturel avec un peu de tout. Mais je pense qu'il voulait faire avec les films d'horreur, parce que typiquement Hot Shots fait avec les films de guerre, quoi. Peut-être, parce que pour le coup, moi j'avoue que quand je vois ce qu'il y a à vivre, le souvenir que j'en ai, c'est un petit moment, mais c'est ce côté vouloir déconstruire un genre, je pense que Leslie Vernon le fait avec plus d'habileté, parce que il le fait, comment dire, en se prenant au sérieux. Parce que par exemple, quand il va voir son père, en tout cas, qui visiblement lui aussi est un tueur, son mentor, le film se prend au sérieux, et c'est ça qui le rend super bon, genre. Ah, il est en train de se reposer, en fait, il est dans une toile, il s'est enterré quelque part dans le jardin, vraiment, c'est plutôt assez, enfin, un caisson de privateur de son réel. Ouais, c'est ça, et de façon au-delà du réel. Ouais, ça, et tu fais ça, tu fais, non, vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film que je trouve très malin dans son approche, mais, alors, je parlais rapidement du projet de suite, je trouve qu'une suite tuerait complètement le projet de 1. Parce que là où, justement, la force du 1, c'est d'être, enfin, peut-être que, le niveau ultime de méta, pas en termes de qualité, mais en termes de ce que tu peux faire en méta, parce que qu'est-ce que tu veux faire de plus méta que ça? Faire que, dans le film Leslie Vernon se passe en fait dans une réalité, tu sais pas trop. Pour moi, ça, c'est le sommet ultime que tu peux faire en termes de méta, de méta, de méta. Et du coup, d'en faire une suite, je vois pas ce que le film pourrait faire, surtout, le film tomberait du coup dans les travers des suites de slasher. À ce moment-là, il parlerait quoi? Des suites de slasher, oui, mais qu'est-ce que, il y a tellement tout déconstruit dans le 1, qu'est-ce qu'il veut faire dans le 2? Parce que, à part faire une répète, faire une répétition avec éventuellement quelques ajouts, je trouve qu'une suite serait complètement inutile. Donc voilà, c'était mon avis sur Leslie Verdon. Bien sûr. Et il a déjà la scène de fin se moque un peu de toutes ses suites aussi, comme quoi il ressuscite de manière improbable. Alors que, voilà, on out, Leslie Verdon meurt entre guillemets, il est emmené alors, à la mort. Dans un pressoir quand même. Oui, dans un pressoir acide. La tête par, non, par, ouais, par un pressoir acide, ouais. Au moment où il meurt, en s'en montant dans une balade. Là. Et donc il est envoyé à la mort, et pendant le générique de fin, tu vois le légiste en train de faire ces trucs, et dernière seconde, t'as Leslie Verdon qui se relève. Ça, le film se moque complètement de ça, mais donc voilà. C'est pas le film le plus connu. J'ai l'impression même que le film est assez inconnu en France. Il est connu aux États-Unis, il est même très connu, notamment pour une scène. C'est le moment où il s'entraîne physiquement. On dit pourquoi? Il fait ouais, mais il court partout, et toi tu dois les rattraper, mais sans avoir l'air de courir, pour donner l'impression de marcher, t'as. Donc voilà, le film a un petit statut culte dans le monde anglo-saxon. Pas chez nous. Pourquoi s'en priver d'autant qu'il est sorti en France? Et enfin, il est sorti en France, il est non seulement sorti en France, mais surtout disponible en France. Où ça va? Alors, il est sur Amazon Prime. Il est sur Amazon Prime, voilà. Donc, et sous le nom derrière le masque. Voilà. Et donc, il est dispo aussi dans un Blu-ray collector édité chez Scream Factory. Donc, zoné. Donc, c'est Charles Factory, non? Là, c'est Scream Factory. Ah, putain, ça, qu'il y a Donc, édité chez Scream Factory dans la magnifique édition, on en parle quasiment chaque épisode, mais voilà, c'est eux qui ont fait la magnifique édition de Chevrolet Fruit, par exemple. Et de, Entre de la folie. Aussi, oui. Mais de Blue Carpenter, d'ailleurs, ils ont fait récemment des soldes pour les 60 ans de Carpenter. Mais ils font pas vraiment leur coffret. Le coffret de Leslie Verdon, l'affiche est magnifique. Oui. C'est l'affiche où il lève la fossile. Là, ouais. Donc voilà, il est aussi disponible dans un Blu-ray allemand, mais seulement avec des sous-titres allemands. Donc pas sous-titres anglais ni français. Comme ça, ouais. Pas merci les Allemands sur ce coup-là. Voilà, et dispo en SVOD sur Prime Video. À noter aussi, un reproche que je pourrais faire ensuite éventuellement, c'est qu'il est tellement dans la déconstruction permanente de ce que c'est qu'un slasher, qu'à la fin, lorsqu'il veut en devenir un, ça marche pas. Et on va, enfin, je reviendrai au fait de méta qui fait que souvent les films méta. Ah, et il est sorti en DVD en France aussi, voilà. Ouais, DVD en France. Mais disponible pour une vingtaine d'euros, c'est un peu beaucoup. Ouais, ça, je vois peut-être pas ce prix-là. Mais pour le coup, j'en parlerai rapidement plus tard, mais le fait des films méta qui oublient à côté des films du genre qui veulent être à la base, c'est aussi un problème récurrent. Celui-ci, dans sa dernière partie, tombe vraiment dans ce travers-là, et c'est peut-être sa plus grosse faiblesse. On passe à la suite? On passe à la suite. Alors, la suite, eh ben, c'est tout simplement La cabane dans les bois, de Drew Goddard. Donc, écrit par Drew Goddard et Joss Whedon. Bisous, Joss. Enfin, non, pas bisous, Joss. Pas bisous, Joss, mais plutôt Jip. Voilà. Drew Goddard qui a fait un autre film que j'aime beaucoup, qui est très cool, ouais. Vraiment pas mal. Mais donc, juste pour résumer vite fait, donc, Drew Goddard, c'est le réal de Salt and the Terrain Royal et de 4 épisodes de The Good Place aussi. Que j'ai pas vu. On n'a pas vu non plus. Mais donc, Drew Goddard, c'est aussi le scénariste, comme il a été réalisé, comme il a réalisé Salt and the Terrain Royal, mais aussi sur Buffy, Angel, Lost, Cloverfield, World War Z et 39 épisodes de Daredevil. Donc voilà. Et Joss Whedon, le phénomène qui a un peu marqué la culture geek depuis les années 90, hein, très clairement. On ne le remercie pas, d'ailleurs. Enfin, on ne le remercie pas. Joss Whedon étant une ordure finie, on ne va pas trop le flatter. Voilà. Mais donc, c'est le réel de Avengers 1 et 2, de Buffy, de Angel, de Firefly, de Dr. Horrible, et scénariste sur le film Buffy. Il a fait un film que j'aime beaucoup. Qu'on oublie souvent, c'est Serenity. On oublie pas mal Serenity, moi je trouve c'est vraiment chouette. Après, c'est pas le film qui fait suite à ces séries. Si, je crois. Je connais juste Serenity pour le coup. J'ai jamais vu cette série, j'ai jamais vu Buffy. Mais, j'ai vu quelques épisodes. Mais moi j'aime bien Serenity. En fait, le problème de Joss Whedon, c'est que malheureusement, il fait partie de ces réals où, quand on sait ce qu'on sait sur lui, notamment son rapport aux femmes, par contre, c'est certains de ses équipes aussi. Ouais, voilà, certains de ses films transpirent ça. En fait, certains de ses films, ça se voit. Et ce qui fait que ça les rend assez durs à voir. Et Serenity, je l'ai vu deux fois. Et je pense que si je le revois aujourd'hui, je serais incapable de le voir. C'est, voyez-le. Je sais pas comment il est aujourd'hui, mais c'est un film qui, je pense, doit être dur à revoir maintenant qu'on sait. Et donc, Joss Whedon aussi, il est scénariste pour le film Buffy, qui a donné suite à la série ensuite. Et aussi sur Toy Story, Alien 4, Atlantide et Titan à eux. Atlantide de Disney. Oh merde, je dors ce film. Aussi. Oh merde. Non, bah écoute. Bah Toy Story aussi, hein. Ah merde! Bon, bah. Ouais. Voilà. Donc le film, alors, donc, La Cabane dans les Bois, aka Cabin in the Woods, dans ce type original. Aussi, La Cabaña del Terror, en Amérique du Sud, n'était pas en Espagne. Ça, j'aime bien. La Cabaña del Terror. Ou juste Cabine au Japon. Ils sont pas péchés, hein. Voilà. Ou Cube. Donc, le film, il a été diffusé pour la première fois, au Button Button Film Festival à Austin, au Texas, le 11 décembre 2011. Puis sorti aux États-Unis le 13 avril 2012 et en France le 2 mai 2012. Voilà, donc, au casting, on a, donc, pour les ados, on a Kristen Connolly, qu'on a vu dans The Bay, l'excellent The Bay. Ouais. Voilà. Chris Hemsworth, est-ce qu'on présente Chris Hemsworth? Non. Voilà. Salton le Tunnel Royal. Salton le Tunnel Royal, Black Cat. la scène d'intro de Star Trek de Abrams. Oui! Oui, il a un petit rôle dedans. C'est le père de Kirk. Pas non plus dit. On a Anna Hutchinson qui joue le Ranger jaune dans Power Rangers Jungle Fury. Alors, autant j'adore les Super Sentai, autant je suis pas un gros connaisseur. On a Frank Kranz qui a joué dans La Tour Sombre et Le Village. Et qui a eu des petits rôles dans Training Day et Donnie Darko. Ça va. Je me moque, Le Village, ça va. Et juste La Tour Sombre, ça va. Et Jesse Williams, qui a apparemment un gros rôle dans Grey's Anatomy, mais j'ai jamais regardé Grey's Anatomy. J'ai jamais vu. Voilà. Et qui est aussi dans le remake de L'Échelle de Jacob. Le remake? Ouais, de 2019. Oui. Pourquoi? Et dans les acteurs qui jouent, qui sont dans l'organisation. Voilà, on va appeler ça comme ça, l'organisation. On va divulguer. Ouais. C'est un film qui repose sur son twist, on va le divulguer comme des matins. Voilà. Donc on a Richard Jenkins qu'on a vu dans pas mal de trucs, il y a un essentiel d'Esquik, Wolf, Laisse-moi entrer, donc le remake de Morse, Bone Tomahawk, La Forme de l'eau, Nightmare Alley. Une bonne carrière. Voilà. Bradley Whitford, qui est, en un mot commençant, le père de Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Ouais! Tu sais que chaque fois que quand j'ai revu le film, du coup, j'ai pas revu en entier, j'ai pas eu le temps, mais j'ai revu par extrait. Ça m'a sauté aux yeux, mais je pouvais pas voir autre chose. Et aussi, qui est le beau-père de Chris dans Get Out. Oui aussi, mais on va plutôt retenir le père de Jake. Voilà, et enfin, divulgation maintenant, outons ça maintenant, Sigourney Weaver, un petit caméo à la fin, ouais. qui transpire la classe, hein, comme d'hab, parce que c'est Sigourney Weaver. Je pense que je pense que quand elle respire, elle le fait de façon classe, tu vois. D'ailleurs, tu connais la série 10%? Oui, j'ai vu l'épisode où elle est, la série d'épisodes où elle danse. Oui, qui est génial. J'adore cet épisode. Mais tu sais que je me suis bouffé les 4 saisons 10% en une semaine. Merci à ma copine qui m'a... Super série 10%, super série. Oui, d'ailleurs, il y a un film en préparation. Ça, pour le coup, je suis pas sûr. Un film pour la suite à la série, du coup? Bah, à voir, pour le coup, parce que... moi, tu me dis film basé sur une série, je pense à Entourage. Et une série que j'aime pas et un film que j'aime pas. Donc, c'est la série de Mark Wahlberg. Et, bah, film basé sur une série, il y en a des bons, hein. Ça, Park et Simpson. Ah, oui, évidemment, j'ai pas le contraire, mais juste, tu vois, pour le coup. Je vois pas forcément l'intérêt de 10%. Oui, Camelot, mais je vois pas forcément l'intérêt d'un film de 10%. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne chose. Voilà. Bon, après, là où Camelot c'est différent, parce que Camelot se terminait sur une fin ouverte, voilà. Qui appelait à des suites, là où 10% a une fin. Très bien. Qui divise, mais que je trouve satisfaisante. Je la trouve très bien, la fin du coup. Et donc, si on connaît dans la fiche technique, à la photo, on a Peter Deming, qui était chef d'œuvre. Evil Dead 2, Alarme Fatale, la bande d'Alarme Fatale, Mulholland Drive, Scream 2, 3 et 4, From Hell jusqu'en Enfer, et plus récemment, The Menu. Bon, ok. Voilà. Bon, un chef op compétent. Ouais. Voilà. Et à la musique, on a David Julian, qui a composé la musique de 4 films de Nolan, quand même. Bah, et de The Descent, mais il a... Enfin, 1 et 2, ouais. Je crois que je t'en avais déjà parlé, mais le problème de David Julian, c'est que c'est un très bon compositeur, et c'est toujours la même chose. Si t'écoutes ses BO pour Nolan, notamment celle du Prestige, et quand tu compares à The Descent, c'est le même truc. Non, okay. Mais c'est très bien. Et donc voilà, donc les 4 Nolan pour lesquels il a proposé, c'est les 3 premiers, donc Following, Memento et Insomnia. Et le Prestige, du coup, comme tu l'as dit, The Descent 1 et 2, et The Lake, Heartless. Mais à nouveau, c'est un très bon compositeur, mais qui reprend souvent les mêmes habitudes. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du film? Un synopsis peut-être? Alors, synopsis. On suit 5 adolescents, 5 jeunes adultes, disons, dans l'université, je crois. Cinq jeunes adultes qui vont dans une cabane au fond des bois parce que le cousin de Chris Hemsworth a une cabane là-bas. Et donc ils partent en week-end. C'est typiquement le groupe d'ados clichés avec l'athlète. Donc je vais reprendre les termes du film, l'athlète, l'érudit, la putain, la vierge et le fou. Voilà. Donc le groupe cliché, hein, typiquement le Scooby Gang, et ou la team de chaque vendredi 13. Et ils vont à la cabane, ils vont se retrouver en proie à des événements inopportuns. Sauf que, en fait, la cabane n'est pas vraiment une cabane. On détaillera. Alors, moi j'ai un problème avec le film. En fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai adoré. Je peux mentir, j'ai adoré. Mais, chaque fois que je le revois, plus je le revois, moins je l'aime et plus je vois les coutures. En fait, moi j'ai un problème majeur avec le film. C'est que le film est beaucoup et méta par son concept plus que par son écriture. C'est-à-dire que il a un concept qui va mettre en abîme tous les genres, ce qui est malin, ce qui est bien vu, parce que, enfin, on va pas mentir, le concept est génial, enfin, autour, en fait, la cabane est un lieu de test pour une organisation qui, en gros, met en scène, toutes sortes de situations qui peuvent être des films d'horreur, notamment dans les années 80, parce que c'est littéralement cité par la cabane de vote qui était le titre de travail de Bedel, ou alors le court-métrage avant, mais là, et en gros, enfin, le film c'est une situation avec Bedel, au début. Voilà. Et l'organisation va mettre en scène tout ça pour mettre à mort ces jeunes dans le but d'apaiser, visiblement, un dieu, très, très inspiré de Lovecraft. Dans son esprit. Très inspiré de Lovecraft, hein, mais globalement, c'est une allégorie des spectateurs. Pour moi, je vois ça comme les grands esprits, c'est les spectateurs qui, s'ils ont pas leur film d'horreur cliché, dans l'année, ils vont gueuler. Et si un film ose s'éloigner trop des sorties battues, ils vont gueuler aussi. Bah, le point de vue intéressant, mais moi, en fait, mon problème, c'est que le concept est génial. Je trouve le concept vraiment, vraiment génial. Surtout en plus, t'as une scène très cool, la scène de fin, qui est connue, mais quand tous les monstres, en gros, sont lâchés, elle est très connue pour le coup, mais elle est vraiment chouette. Elle est très satisfaisante, en tout cas. Mais mon problème, c'est que le concept est méta, mais l'écriture ne l'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnages ont leur rôle et là où Fist jouait avec ses personnages, mais était teubé, je trouve que la cabane des bois se veut très intelligent. Et Joss Whedon, le sujet n'est pas forcément dans sa capacité scénariste, je trouve ça un bon scénariste, mais j'ai jamais été convaincu par sa capacité réflexive, on va dire. C'est-à-dire que Buffy, il avait tenté des trucs aussi un peu comme ça, de réflexion sur le genre, et je parle du film, pour le coup, j'ai pas vu la série. Mais j'ai jamais été convaincu par ça. Et là, je trouve que c'est pareil, parce que les personnages sont complètement clichés. Et il va jouer avec leur rôle, mais pas avec eux. C'est-à-dire qu'il va, il va faire survivre le stoner et la vierge. C'est ça, ouais. Voilà, donc la vierge classique, le stoner, beaucoup moins. Mais il va faire survivre les rôles plus que les personnages. Les personnages en eux-mêmes sont des caricatures sur pattes. Le personnage de Chris Hemsworth, oui, c'est l'athlète, donc il est destiné à mourir. Il n'est défini que par sa caricature. Et tous les autres personnages, y compris Sigourney Weaver, y compris les scientifiques, ne sont aussi que des rôles à remplir. C'est ça pour moi la faiblesse du film. Après, je vais faire le même reproche que sur Symptoms of Battle Royal. Je trouve que Drew Goddard, c'est un bon réalisateur. Et je trouve qu'il galère dans les scènes d'action. C'est-à-dire que là, la scène de fin, ça devrait être ultra jouissif, ça l'est. Mais à nouveau, je pense que ça l'est plus par son idée que par sa mise en image. Il y a des trucs très chouettes, hein, l'idée de la licorne, le monstre des mers, là. C'est cool. Mais, je trouve que le film, ça pourrait être encore plus, ça pourrait être sublimé. Et tu vois, à part le plan où tu vois tous les soldats se faire foncer dessus, t'as pas beaucoup d'iconisation. Et, après, j'ai l'air de cracher dessus, ça reste un film que je trouve pas horrible, hein. C'est vraiment, loin de là, c'est que plus je le revois, plus je vois les coutures, et même si vraiment pour moi le concept de base est tellement fort que c'est ça qui me fait tenir. J'aurais juste aimé que le film soit un peu plus malin que juste son concept. Il aurait suffi d'écrire un peu mieux les personnages, d'un peu mieux trousser la situation, parce qu'en fait le problème c'est que comme il se repose, bon, je vais pas dire à 100%, mais à 80% sur son concept, je sais pas s'il est dans la moquerie ou dans l'hommage sincère. Je pense et j'espère qu'il est dans l'hommage sincère. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il soit dans la moquerie. Mais il y a un flou. Et s'il y a un flou, c'est qu'il y a un flou. Mais c'est ça. Pour moi, il manque de. il manque de d'intelligence au-delà de son concept. C'est ce que je veux dire. Voilà, maintenant je sais que t'es beaucoup plus fan du film que moi. J'ai eu l'air de le détester, mais vas-y, donne-lui les honneurs qu'il mérite. Bah, moi, justement, j'ai rejoint dessus. Ta lecture sur le spectateur, j'avais pas pensé, est très intéressante. Je dis pas, je trouve que la lecture est très intéressante, mais comme j'ai jamais, enfin, pour moi, Joss Whedon, il est très limité dans ses commentaires, au-delà de pur scénario. C'est pour ça que je pense que s'il le fait, c'est plus par maladresse que vraiment par réflexion. Donc, voilà, je te laisse remettre les honneurs sur sa chaîne. Bah, pour moi, justement, le fait, tu parles justement du fait que les personnages soient clichés et aillent pas plus loin, mais ça va, du coup, je trouve, avec la réflexion du fait que, bah, les personnages du film sont des personnages de films d'horreur clichés, que t'as du coup le fait que ce soit eux qui choisissent les monstres parmi un bestiaire qui vient d'un ancien temps, c'est littéralement ce qui est dit. D'un ancien temps, donc les années 80, évidemment. Voilà. T'as une espèce de copie de Pinhead, voilà. Qui s'appelle, alors, je l'ai j'avais dans les anecdotes. Qui s'appelle, alors attends. Voilà. Il s'appelle Fornicus, seigneur du bondage et de la douleur. Bondage et de la douleur, ouais. Non, mais c'est, en fait, je vois ce que tu veux dire sur les personnages, mais bon, ce que je trouve dommage, c'est qu'à ce moment-là, on est face au cas de la Sonyon. C'est-à-dire que, si le, en fait, soit le film veut être malin de A à Z, mais dans ce cas-là, les personnages, malheureusement, manquent de consistance et d'une écriture réelle, et donc le film ne tient pas vraiment. Soit le film veut être entièrement une réflexion et une mise en abyme, mais dans ce cas-là, tes personnages sont cons. Et sont écrits comme tels. Donc c'est volontaire. Mais toi, en tant que spectateur, tu te retrouves obligé de te faire faire ça. Non, j'ai l'air de le détester, je déteste pas le film. Je suis sceptique sur ce point-là. Et du coup, à ce moment-là, tu te retrouves obligé de suivre des personnages débiles. Et le film ne tient à ce moment-là que par son message. Ce que moi, je n'apprécie pas beaucoup dans un film en général. C'est ce cas de figure où, soit le film, tu le prends en tant que message, mais du coup, c'est pas vrai. Soit tu le prends en tant que film, et du coup, il manque quelque chose. C'est ça, mon point, en fait, dessus. Il y a quand même un truc avec le coup de jouer avec les attentes des spectateurs. Oui, oui, comme Crucifix. Ouais, mais du coup aussi avec tout ce côté ultra jouissif dans la scène de fin par exemple qui est un gros défouloir de bestias et qui je trouve défoule la forme possible. Tu trouves pas que la mise en scène manque un peu toi? Parce que moi c'est vraiment ce qui manque, c'est un côté même sublimation de ce bestiaire en fait. C'est parce que c'est un bestiaire qui nous fans de fantastique peut que nous faire rêver de voir tous ces monstres au même endroit. Mais je trouve que la mise en image manque d'inspiration pour vraiment te mettre en valeur tous ces monstres et finalement te faire te dire waouh, parce que finalement moi les seuls plans que je retiens c'est le plan qui est arrière vers où tu vois toutes les cages avec tous les monstres, ouais, et le plan où tu vois tous les soldats se faire avec. C'est les deux seuls plans qui me viennent en tête quand je pense à la scène de fin. Alors ouais. Ça devrait être une orgie de monstres. Oui, c'est vrai que ça peut pêcher à ce niveau-là, je l'accorde. Mais ça tourne à Ténèbres Royales, le même problème, hein, c'est-à-dire que la mise en place est super, la scène d'action de fin, voilà, j'avais bien aimé la première fois, et en revoyant, je me suis dit, c'est un peu crap. Hein. Donc, j'ai pas revu depuis ça fait 4 ans. Bah, ça manque d'inspiration, c'est très fonctionnel, mais tu vois, ça tourne à Ténèbres Royales, c'est un film qui a un concept vraiment super aussi, ce concept de pouvoir qui permet d'observer partout, et la mise en scène, entre guillemets, qui est des instants de calme ou de tension, elle est vraiment bonne. D'ailleurs, Christian Vance dans Satan Hotel Roy, j'aime bien, il a un rôle qui est trop drôle. Je suis vraiment super. Mais, c'est, dès qu'il y a des scènes d'action, tu tombes dans une espèce de banalité, qui est dommage quand même, qui est vraiment dommage. Ça, ouais. C'est vrai que niveau, ouais, dès que ça part dans l'action, ouais, c'est sûr. Après, il y a la mise en scène qui, je trouve là où Godard met bien sorti. Godard. C'est pas lui, hein, c'est l'autre. C'est pas Jean-Luc. Il y a la scène de goût, je trouve magnifique, ultra drôle. J'ai pas vu le film en entier. Ok. Donc en gros, ils sont tous en train de faire une soirée. Ouais. Donc là, il y a le action ou vérité. Ouais. Et il y a, Jules, donc la putain, qui a un action ou vérité. Et donc elle doit. Ah oui, elle va rouler une pelle. Elle va rouler une pelle à une tête de loup empaillée. Bah déjà, Marty dit, je veux qu'on passe avec la langue, ce somptueux élan derrière toi. Non, mais c'est, et surtout, du coup, comment c'est mis en scène. D'ailleurs, il y a l'anecdote, comme quoi, la langue est recouverte de sucre. Pour rendre ça plus granuleux visuellement, mais pour rendre aussi ça plus supportable pour l'actrice. Parce que. Pour le coup, c'est déjà, mais c'est ça aussi. Ma limite avec le film, c'est que t'as plein de scènes comme ça qui sont drôles, mais qui tournent encore plus en ridicule les personnages. Ou par exemple, tu as moi une scène qui, sur le concept, je la trouve incroyable. Dans les faits, elle me rend sceptique. C'est la scène où, du coup, Christian Edouard, c'est. Vont aller tricoter dans le bois. Et l'idée de diffuser un gaz qui augmente les hormones, enfin, qui les excite concrètement, ouais. Et leur donne envie de coucher ensemble et ensuite de lâcher les zombies ou quoi. Sur le concept, je trouve ça génial parce que c'est une vraie mise en avant de toutes les scènes que tu as eues maintenant. Oui, mais même tu as aussi le moment où Christian Edouard, c'est là pour. Donc on reste unis comme ça, ils pourront pas nous avoir. Et ensuite, bam, il va se. Et là, il y a le gaz qui permet de changer d'avis. Ouais, ça. Et tiens, sauf que ça ou alors. Et c'est plein d'éléments comme ça où dans les faits, je trouve ça super le fait de déconstruire. Un peu comme Leslie Vernon, tu vois. Là où Leslie Vernon déconstruit le slasher, là, c'est plus déconstruit les... enfin, un peu de slasher, mais globalement les films à la Evil Dead aussi. Et sauf que je trouve que c'est amené avec une espèce de facilité. Moi, me laisse un peu circonspect. Par exemple, aussi le coup du stoner qui, le fait de fumer, lui permet de ne pas être sensible au gaz. C'est une idée qui pourrait être marrante, et je la trouve super facile en fait. Super, en fait. C'est juste, voilà, c'est ça. Et c'est ça, c'est aussi, ça permet aussi de. Le fait qu'il fume tout ça permet de. Et du coup, vu que c'est le seul qui soit lucide, les autres ne le croient pas. Oui, parce que. Oui, ça, c'est bien vu. Ça, pour le coup, c'est bien vu. Mais. Ce genre de facilité, c'est ça qui est à l'origine du fait que je ne sais pas. J'espère que c'est pas le cas. Mais qu'on peut avoir l'impression que le film se moque de ce genre de film, en fait. Oui, la seule façon qu'il a de te le déconstruire, c'est juste de dire, en fait, ça. Bah, pour moi, il se moque. Non, je pense pas qu'il se moque. Pour moi, il se moque plus de l'industrie que des films en tant que tel. C'est pour ça que t'as du coup. Et ça, c'est avec la lecture, du coup, t'as dit, où les grands anciens sont les spectateurs. L'organisation, c'est les studios, en fait. Qui vont globalement reprendre la même chose, mais juste inverser quelques trucs. Mais t'as aussi vite fait de ce commentaire-là sur le cinéma étranger, c'est-à-dire que par exemple le ça c'est bien. La scène à Kyoto, c'est du film à la Ring. Buenos Aires, je crois que c'est du truc catastrophe à la King Kong. En fait. Ouais. Mais donc c'est pour ça en fait. C'est avec cette lecture-là, oui, tu peux voir le film comme tel, mais tu peux aussi. Ce que je veux dire, c'est que le film ne développe pas, ou alors ne donne pas assez d'épaisseur, on va dire, à ce genre d'éléments pour enlever toute interprétation moqueuse. C'est-à-dire que le film, tu peux le prendre comme une moquerie. C'est ça, en fait, le problème que j'ai, c'est que le film peut être pris comme une moquerie. Il n'a pas, entre guillemets, d'éléments qui catégorisent le fait que non, c'est pas une moquerie. C'est que toi, il y a cette incertitude, en fait. C'est juste ça, ma petite réflexion. Maintenant, il y a quand même une scène que j'aime beaucoup, qui est souvent oubliée, mais que j'aime beaucoup, c'est la mort. Oui. Avec la moto. On ne va pas gâcher ici. Et quand vous la verrez, vous comprendrez, c'est très drôle. Voilà. Je pense qu'on a un peu fait le tour sur la caméra dans les bois. Tellement, je déteste pas le film. Juste beaucoup d'interrogations dessus, en fait. C'est que je pense pas que le film soit cynique. J'espère pas, d'ailleurs, parce que si jamais il est cynique, ça en fait vraiment une merde. Mais je pense que le film est très incertain, on va dire, enfin très incertain. N'est pas assez catégorique dans le discours qu'il va avoir pour qu'on puisse pencher dessus. C'est ça le point. Voilà. Bref, alors où est-ce qu'il est dispo? Lui, pour le coup, c'est facile à trouver. Il est facile à trouver, il est dispo en DVD et en Blu-ray français. Et il était chez Metropolitan. Il y a ce magnifique steelbook 4K britannique qui est dispo chez Zavi. Il y en avait un autre avant, mais qui est maintenant totalement en stock. Mais je préfère le nouveau, parce qu'en plus, il y a un effet avec l'étui en plastique qui portait le steelbook qui est magnifique, quoi. Tu l'avais montré, Et du coup, cet effet de, en gros, si t'as pas vu le film, le fait de voir le steelbook ne te gâche pas le truc, mais par contre, si t'as vu le film et que tu ouvres le truc, là, ça te... T'as la référence. Voilà, et ça, c'est beau. Et il est dispo à l'achat sur Apple TV et sur Amazon. Quelques anecdotes à la volée. Évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Marty, donc le stoner, a un bong mug au début du film. Ça, putain. Ça, je comprends que ça te fasse rire. Moi, je trouve ça chiche. Le genre du monde de stoner, moi, ça me fait pas rire. Et ça, genre, ce genre de truc, moi, ça me fait rire. Ça fait moi rire. C'est pour ça que le personnage qui me fait le plus rire à la mine, c'est Christian Dorf. Mais parce que c'est une rire de base. C'est peut-être que c'est un peu une carte de triche. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bong mug a vraiment été fabriqué pour le film. fonctionnel dans les deux trucs et qu'il a coûté 5000 dollars à fabriquer. Oh, ça, le banc le plus cher du monde, quel enfer. Et le meuble le plus cher du monde aussi. Ouais, je le seul à ne pas sauter dans l'eau, c'est Marty. Parce que l'acteur s'en était, donc le stoner, parce que l'acteur s'en était pas à l'aise, physiquement, à côté, de... Chris Hemsworth et, Jesse Williams. Mais, en fait, dans le commentaire audio, Godard et Whedon expliquent qu'en fait, ils blaguent, mais en gros, ils disent que l'acteur était tellement gaulé que ça aurait détonné avec le personnage. Donc voilà, la langue du loup, ça j'en avais parlé. Et pareil pour les échecs d'autres films, donc on avait la scène de Kyoto qui est une référence à Ringu, Buenos Aires à King Kong, Stockholm à The Thing et Madrid à Dracula. Ben pour le coup, en plus, c'est les petits clins d'œil comme ça sont plutôt bien vus, ils sont plutôt mis en place. Genre moi, la scène de Ring. Donc, au total, il y a une soixantaine de monstres qui ont été créés pour le film. Ouais. C'est pas mal. Maintenant, on va pas se mentir. On les retire pas tous. Enfin, on en retire, moi, j'en retire 4-5. Mais nous, c'est juste que je laisse, il manque de sublime. T'as la petite fille avec la... Ouais, avec la poche à la tête du visage, ouais. Donc j'avais dit que le monstre avec la sphère dorée, donc la grosse épinette, s'appelle, Fornicus, Lord of Bondage and Pain. Magnifique. La grande classe. Voilà. Drew Goddard était très peu à l'aise avec la scène où Anna Jason monte ses seins. Parce qu'il a eu une éducation assez puritaine, assez catholique. Et c'est elle qui a été le rassureur. Mais c'est pas grand chose, tu sais, t'inquiète, ça me dérange pas. Ouais, tu vois, cette scène, typiquement, ça va dans l'idée que, je pense que le film, enfin, je sais pas s'il aurait été mieux, mais je pense que le film, s'il n'y avait pas eu cette scène, je pense qu'il aurait été plus... Cette scène fait que je me pose des questions sur cette scène. Là, c'est genre le fait qu'il tombe dans des clichés pareils. C'est ça, en fait. Je sais pas si je suis clair, mais c'est juste, je me fais remarquer, peut-être que le film aurait été plus clair sans, voilà. Même si, la vie fait que c'est jamais un problème à voir, hein, mais. apparemment, le script aurait été écrit en 3 jours. Parce que, après des échecs, avec les studios de Whedon et Godard, ils se sont enfermés tous les jours dans une chambre d'hôtel et ils ont écrit le script en un week-end. aussi, on retrouve dans l'équipe d'effets spéciaux une certaine Heather Langenkamp. Non. Parce que son mari est spécialiste. C'est celui qu'on voit dans Félicet, justement. Voilà. Ouais. Et aussi le duo de scénaristes a pu envisager d'autres réalisateurs pour le film avant que Godard le réalise, notamment. On reste sur la même thématique que Joss Whedon, Victor Salva. Oh putain, Victor Salva, tu sais que j'ai revu Tu penses qu'il pense pas, comme ça. Et je confirme, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. C'est un film qui... Alors Victor Salva, si vous ne le savez pas, c'est un pédophile. Ouais. C'est un pédophile et il n'y a pas de présomption d'innocence ou quoi. Hein. C'est confirmé, avéré, il a été condamné pour ça. Bah il a bien pris. Et encore heureux d'ailleurs, malheureusement, je crois qu'il est sorti de prison. Et pour le coup, en fait, la prison, c'était avant Jeffers Keepers, hein. C'était pendant aussi. C'était entre le 2 et le 3, je crois. Il en a fait avant, il en a fait après. Si j'ai pas de bêtises. Parce que ça avait pété au milieu de Jeffers Keepers 3, je crois. Ok. Je suis pas juriste, je connais pas son historique. Bref, dans les faits, c'est un fait de fait. En fait, il a été accusé, d'agression sexuelle sur l'acteur principal de Swing Power. Et pour le coup, en fait, il est surtout connu pour Jeffers Keepers. En fait, c'est ultra glauque, parce qu'en fait, Jeepers Creepers 1 et 2 sont des films qui sont chouettes. Ce sont des films qui sont vraiment bien mis en scène, le monstre est très cool. Mais, c'est des films qui sont littéralement les films d'un pédophile, qui a conscience de son vice, et qui le met sur écran. Et du coup, ces films sont extrêmement étranges à regarder quand on sait, parce que t'as vraiment une impression dégueulasse. Et le 3 est encore pire à ce que... Le 3, au-delà d'être mauvais, a vraiment un côté bizarre à regarder. Autant le 1 et le 2, tu peux à peu près les regarder comme des films de monstres, ouais. Et voire même avec des lectures intéressantes. Le 3, c'est vraiment pas possible. Alors le 4, on va même pas en parler. J'ai vu des gens parler de Jeepers Creepers 1 et 2 comme Victor Salva qui revient justement sur ses propres vices. Oui, voilà, c'est ça. Jeepers Creepers 1 et 2, t'as encore ce côté exorcisme qui fait qu'ils peuvent passer. Le 3, pas du tout. Et alors le 4, J'en parle dans le bilan de fin d'année, il y a trois lignes dessus, c'est pas positif, c'est tout. Mais c'est pas ça le vol, gars. Ouais, c'est pas ça, bref. Voilà, mais bref, tout ça pour dire, Victor Salva sur la cabane dans les bois, je sais pas ce que ça aurait donné. Au moins, les monstres auraient été mieux iconisés, je pense. Peut-être. Voilà. Mais, c'est pas plus mal qu'il est mal. C'est pas plus mal qu'il est pas grand chose. Il y a ce plan de je pense, c'est 1 où t'as le duo, donc de frère et sœur qui, avec le mec qui joue dans Barbare, il lui arrive tout autour des couilles à lui. Ouais, mais lui, pour le coup, c'est compliqué, hein. Sa carrière, en général, il se fait marave dans tous les jeux. Voilà. Et donc ils arrivent dans l'antre du Creeper quand le Creeper n'est pas là. Et t'as cette espèce de chapelle Sixtine de cadavres. Ouais, mais ça, pour le coup, le production design du 1 et surtout du 2 sont vraiment géniaux. Et donc, ils envisageaient Salva, mais déjà Godard espérait secrètement le réaliser. Et après, Joss Whedon a dit, mais si je le réalisais? Et là, Godard, il a dit, ouais, en fait, j'aimerais bien le faire. Et donc Godard, il a dit, ok, mais je le produis. Maintenant que tu me dis, je viens de me dire un truc, mais c'est typiquement un film de scénario. C'est parce que c'est à dire que il sait à peu près filmer quand c'est calme, mais dès qu'il faut iconiser ou vraiment semer de l'action, ça y est. Donc maintenant c'est très un film de scénario. Je pense. Bah, un peu comme les films de Dougherty. Ou déjà je disais que Dougherty, tiens, la réalisation de Trick or Treat, c'était pas mal, mais ça avait encore quelques défauts. Krampus, ça monte en cran. Et c'est ce qui se passe avec le panier Salvador l'Hôtel et le Royal. Et Godzilla 2. Ah et bref. Mais tu vois, Drew Goddard, il a pas encore fait son Godzilla 2. Là, c'est pas encore. Ah, il a fait deux longs, Drew Goddard, de toute façon. Je sais pas lui. Alors, on va pas vérifier, mais je sais pas si c'est lui ou Jesse Chandor qui est sur Kraven. Je crois que c'est lui. Mais, il y a des chances. Mais ouais, tout ça pour dire, la cabane des bois, ça reste chouette, mais à voir. Est-ce que vous êtes plutôt de mon avis? C'est-à-dire que il y a quand même des questions qui se posent, on sait pas trop. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'idée que non, c'est un film entièrement honnête qui propose une chouette réflexion? À vous de faire votre choix. L'avantage, c'est que le film laisse aussi la discussion comme ça. C'est aussi quelque part sa richesse. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? On passe à la suite, on passe au dernier, parce que ça fait... Tout dernier film, bientôt 2 heures, exactement. Vous, ça prend longtemps, vous aurez des coups. Vous aurez des coups. Alors, du coup, on passe au film Scream Girl. Donc, dans tout projet de Final Girls, qui est beaucoup plus connu. On va le garder sous le titre Final Girls. Voilà. Ou la dernière proie au Québec. Toujours merci les Québécois, bisous. Ou Terror Nos Bastidores au Brésil, qui est traduit par Terror dans les coulisses. Ouais, je suis pas fan du titre. Enfin, pour ce film-là, je suis pas fan. Ouais. Ou Las Últimas Supervivientes en Espagne. Ça, je suis chaud. Donc les dernières survivantes. Voilà. Littéralement les Final Girls. Donc c'est sorti, alors ça, la première du film c'était le 30 janvier 2015 au Panic Fest à Kansas City, puis sorti aux États-Unis le 9 octobre 2015, donc dans une sortie limitée, et en France le 18 novembre 2015 en VOD seulement, avant de sortir sur Netflix. Oui, il est sur Netflix, c'est toujours sur Netflix. Ouais, actuellement. C'est ça. Donc c'est réalisé par Todd Strauss-Skulson, qui a fait beaucoup de télé et qui a fait, à part ça, un film qui s'appelle Isn't It Romantic avec Robert Wilson. Oui, bon... Voilà, ouais. Oh non, Robert Wilson, c'est une bonne actrice en plus. Alors, en revanche, je viens de vérifier, il n'est plus sur Netflix. Je viens de vérifier. Comment ça, je l'ai vu sur Netflix pour l'instant? Ok, alors attends, je revérifie, désolé. T'es pas sur le Netflix étranger, toi? Allez, c'est peut-être pour ça que... Oui, je crois que c'est ça. Je vais continuer, je vais vérifier à l'instant. Au scénario, on a MA14, qui est... 14, le... Il est sur Netflix français, ouais. Je retire tout de suite ce que je viens de dire. Par défaut, j'ai un Netflix allemand, c'est ouais. Pour ça. 14, pas 14, 14, 14, voilà. Donc, qui a été scénariste pour le futur film Sleepwalk, réalisé par Rose McGowan. Et avec Rose McGowan. Voilà. Bah, parce qu'il n'est pas sorti, du coup. Je sais pas si j'en pense, voilà. Et Joshua John Miller, qui a pas fait grand-chose, mais il a joué dans Halloween 3, dans les Willys, dans Class 99 et dans Frotteur de l'Aube. Bah, écoute, on va se choper des habitués, en fait. Au casting, on a, bah, du coup, dans le rôle principal, Thaïssa Farmiga, donc la petite sœur de Vera Farmiga. Une actrice que j'aime énormément, d'ailleurs. Ah, donc Thaïssa Farmiga, qu'on a vu, bah, dans The Big Ring, La Donne, American Horror Story ou La Bulle. Bah, moi, c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup et qui ressemble vachement à Maria Bakalova. Et qui est, la fille de Borat, dans Borat 2. Ou qui joue dans... Il y a un petit truc. Comment? Il y a un petit truc. Voilà. Ou qui joue dans, alors, dans Borat 2, je la vois pas beaucoup, alors, vraiment, c'est vrai. mais elle joue surtout dans ce que Écran Large a gentiment appelé le Cluedo, et je ne peux que leur donner raison. Bodies, Bodies, Bodies, qui est un film qui est sorti cette année, dont je parle dans le vélo, mais qui est raté, pour le coup. Et tu la vois dedans, et c'est dans ce film-là qu'elle ressemble énormément à Thaïs Afamiga. Vraiment, il y avait une ressemblance. Ok. On a aussi Malin Ackerman, qu'on a vu dans Rampage ou Watchmen. Rampage, le The Rock. Le bon, je ne voyais pas, mais je suis désolé avec les doigts. Ou donc Watchmen, où elle joue une des membres de l'équipe. J'ai plus son nom exact. Je pense que je me rappelle. Non, Watchmen, je parle. Cheveux longs. Bref. On a Alexander Ludwig, qui a joué dans... qui a un gros rôle dans Vikings, qui joue aussi dans Hunger Games, Mayday, ou Final Girl, la dernière proie, avec Abigail Breslin. J'ai pas vu ça. J'ai vu. C'est bien. C'est sympa. Il y a des mots, c'est... Voilà. En gros, c'est l'histoire d'une meuf qui est invitée par trois... je crois qu'elle est invitée par un mec... C'est encore un film de la télé romaine. Non, plutôt de Woman Hunting. En gros, c'est elle qui va se faire aller chasser. Oui, mais c'est le même principe. D'abord, elle se fait chasser, et ensuite. Ah, là, c'est ça. En gros, c'est pareil. En gros, elle est invitée par un gars qui veut globalement organiser une petite partie de chasse. Sauf que c'est elle qui va aller chasser. Le film est récent? 2015, je crois. Okay, parce qu'en fait, la même année. J'ai remarqué que récemment, t'as énormément de films comme ça de femmes qui se font chasser et qui ensuite se retournent contre leur chasseur. T'as eu Hunted, il y a 2 ans, je crois, de Vincent Parvano, qui était dans cette idée-là. Il y a eu Hunt aussi. Cette année, il y a eu Run, Sweetheart, Run. C'est un film sur Amazon Prime qui est, alors, super bien réalisé, super bien photographié, super bien joué. Mais je pense qu'il a pas compris qu'un message dans un film, ça doit être subtil. Vraiment, ce film, pas possible. Dommage. Ou la pédale. J'ai pas vu, mais Run, Sweetheart, Run, c'est... C'est un film compliqué, c'est un film compliqué. À nouveau, il sera sûrement d'ailleurs dans le premier drop de Papa Page qui va quelques jours autour de l'épisode. Okay. Ensuite, on a Léna Dobrev, donc qui a joué dans le remake suite, je sais pas trop, j'ai pas vu, de L'Expérience Interdite, avec Elliot Page. Oh, qui est un film nul de base. Okay. Et oui, qui joue dedans. Dans Le Monde de Charlie ou dans Triple X 3. Dans Triple X. Un jour, je pense qu'il faudra se pencher sur le cas Triple X. Alors, ce sera pas nous de le faire, mais du coup. Mais cette saga, qu'est-ce que, pourquoi, comment? Pourquoi il y a un 1? Pourquoi pas? C'est Rob Cohen, à l'époque, on pensait qu'il avait du talent. Pourquoi un 2? Le 2 qui est réalisé, d'ailleurs, je crois, par Lita Maori. Quand même, voilà. Qui? Il est chez ça, c'est un gars qui a fait un bon film qui s'appelle L'âme des guerriers, je crois. Qui est un film qui est sur les violences conjugales. Qui a mis la lumière sur les violences conjugales en Nouvelle-Zélande. Okay. C'est un film qui est assez marquant, quand même, assez troublant. Mais alors ensuite, il a fait Meurs un autre jour. Donc bon, un des pires James Bond avec Brosnan, quand même. XXX2. Je crois que c'est lui, à nouveau. Et Dext, avec Nicolas Cage. Et ça, si tu l'as pas vu, au français, c'est, comment dire, faut le voir, mais genre à 2h du matin. Faut le voir dans ce truc-là où ton cerveau a du mal à percuter. Et bon, une expérience incroyable. On a ensuite donc Alia Shawkat, qui joue dans Arrested Development, la série Severance, qui est sortie récemment là, de Ben Stiller. Je crois que c'est lui qui réalise. Qui réalise une partie. Ok. Green Room ou Pee Wee's Big Holiday. Ah, Green Room, c'est cool. Non, Pee Wee's, non. Non, Green Room, c'est cool. Voilà. Green Room, j'arrive, c'est cool. On a Thomas Middleditch, qui est joué dans Retour à Zombieland, qui est justement le petit copain d'Abigail Breslin. Je déteste. Enfin, après, je suis pas fan de Zombieland 1, j'aime pas les... Bon, ça va. Et Adam Devine, que j'aime pas, vraiment. Alors, il joue qui dans le film? C'est le sportif, tu sais, le gros cliché, celui qui veut se taper tout le monde. Mais quel enfer, ce... Genre, je le connaissais pas. Mais quel enfer! Alors, il a joué... J'arrive pas à savoir s'il joue bien ou mal, en fait. C'est ça qui est amusant. Il a joué dans Pitch Perfect 1 et 2. Ah. Il a joué dans l'ignoble Game Over Man. Je sais pas si t'as vu ce truc. C'est Game Over Man. J'ai vu Game Over, qui est un très bon film. Alors, c'est sorti directement sur Netflix, c'est en 2019. Attends, un film de merde qui s'appelle? Non. Et, on vous aime bien Netflix, mais il faut admettre que parfois vous faites des conneries. Je crois que la même année, il a joué dans un film qui s'appelle, When We First Met. Avec Alexandra Daddario, où, en gros. Bon, tu viens de poser le film, hein, Alexandra Daddario, c'est... Elle a eu une carrière de en film, c'était Percy Jackson 2. Et après, Ça attend entre Baywatch et, ouais, et Texas Chainsaw 3D. Excellent dans Texas Chainsaw 3D avec une des scènes les plus frustrantes du cinéma, qui est la scène de son chalisier. Si tu as vu le film, tu vas comprendre. C'est, bref. Si vous avez vu le film, la scène du chalisier d'Alexandre Daddario, vous comprendrez. Même si j'aime beaucoup Baywatch, parce que The Rock. Et c'est compliqué à défendre quand même Baywatch, hein. C'est compliqué à défendre. Est-ce que tu serais prêt à mourir sur une colline pour ce film? Non, voilà. Donc bref, Final Girls. Et donc Final Girls. Bah donc globalement, qu'est-ce que ça cause, Final Girls? Ça cause de... Tout est résumé, tu l'as fait de tête. Oui. Tu as un talent que je n'ai pas et je t'admire quelque part pour ça. Vas-y. Donc on suit l'histoire d'une fille qui dont la mère a été actrice dans un film d'horreur qui s'appelle Camp Bloodbath, ou la colo-hémoglobine, je crois, dans le doublage. J'ai remis en VF juste pour ce passage, j'ai fait oula. Oula. et donc la mère a été actrice dans ce film-là, et elle a galéré à trouver d'autres rôles après parce qu'elle n'arrivait pas à détacher cette image. Sauf que la mère meurt au début du film, et la fille accepte d'aller... La mère meurt dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui. La mère de l'héroïne du film décède d'un accident de voiture au début de Final Girls. Voilà. Et donc, quelques temps se passent, l'héroïne accepte d'aller à une projection de Ken Bloodbath 1 et 2, ouais. Voilà. Parce que bah, c'est la fille de cette actrice, donc voilà. Et apparemment, il y a une sorte de culte autour de ce film, dans le film. Ouais. C'est quasiment, enfin, c'est pas très discret, mais c'est quasiment Fondretas, en fait. Fondretas, à nouveau, on s'en moque, mais dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus important, ouais, que ça l'est chez nous. Que nous, on n'a pas tant que ça d'attachement vraiment, pas fétichiste, mais culturel à ces icônes. Ouais. C'est pour ça que Vendredi 13, il est souvent mis à côté de Freddy Jones et Michael Myers, parce que au-delà de la qualité intrinsèque des films, c'est une IP extrêmement importante pour eux. Et c'est pour ça que la Bloodbath, je pense, t'as vraiment les fans qui se retrouvent des marathons, etc. Chez nous, un marathon Vendredi 13, c'est improbable. Chez eux, entre guillemets, j'imagine que c'est une chose beaucoup plus courante. Sauf que, problème, la salle prend feu à cause d'un stoner. Ouais. Et donc, toutes les issues sont bloquées, mais il y a une issue derrière l'écran, donc elle va ouvrir l'écran avec la machette. Elle va passer littéralement à travers l'écran, tout comme dans la Action Hero, c'était une bombe qui explosait dans la salle de cinéma et qui propulsait Danny dans le film. Bien vu, j'avais pas pensé à ce parallèle-là, mais il est plutôt trop bien. Sauf que là où Danny est amené dans le film, là c'est eux qui vont dans le film, ouais. Et donc ils vont être propulsés dans Camp Bloodbath, ce qui va engendrer des situations assez cocasses parce que film d'horreur plus c'est des écartements obligés, mais eux, surtout et eux connaissent le film, ils ont vu le film, et notamment un qui est un turbo fan du film et qui est le premier de la team à crever, ouais, qui est le premier de la team à mourir, et aussi mine de rien une occasion pour l'héroïne de revoir sa mère. Ouais. Alors tu veux démarrer par ton avis ou je t'attaque? Comme tu veux. Vas-y, c'est toi qui l'as proposé. Ok, alors pour le coup, c'est un film que j'avais découvert un peu random sur Netflix à une époque, autour de 2016-17 à peu près, et que j'avais plutôt bien aimé. Et je l'ai revu il y a quelques mois, et je me suis dit, mais en fait, c'est la Stack Show Hero pour un film d'horreur, quoi. Donc je suis content. Et bon, sans la maestria qu'a la Stack Show Hero, évidemment. Mais quand même très sympathique à voir. Bah, ça parle de slasher, donc forcément, moi, ça me parle beaucoup. Et c'est un film que je prends un certain plaisir à revoir, c'est-à-dire que c'est loin d'être bon. Il y a beaucoup d'idées typiques du slasher, par exemple. Faut pas coucher, voilà. Si tu couches, tu meurs. Si tu montres tes seins, tu meurs. Il y a littéralement... Il y a une scène qui est très drôle. Il y a littéralement la scène qui est appelée dans ce genre d'idée, le booby trap. Ouais, enfin, on détaillera plus tard, mais cette scène est très, très drôle. Voilà. Et je trouve que c'est un film qui est très intelligent. Encore une fois, je me répète, mais pas au niveau de Last Action Hero, mais... Bah, disons que la comparaison avec Last Action Hero est très injuste, parce que, alors, le Todd Strauss Schulzen, donc le réal, n'est pas... Voilà. Mais après, c'est, comme La Cabane dans les Bois, aussi un film de scénariste. Et d'ailleurs, ce qu'il y a, c'est que, donc, un des scénaristes, à savoir Joshua John Miller, il a écrit le film au moment où son père est mort. Et, et son père, c'est l'acteur qui joue le père Merrin dans L'Exorciste. Et bah, le père Carras. Déjà, ça, c'est la classe. Mais justement, j'ai un truc là-dessus dans mes notes. Enfin, pas que j'avais vu, mais qu'on peut mettre en corrélation avec ça. Voilà, donc, jeu de mots pas très fort, mais et même pas volontaire, mais il exorcise du coup son deuil avec ça. Ce qui fait que c'est assez, bah déjà c'est assez cathartique, pas cathartique, mais assez, bah justement il... C'est un moyen pour lui d'oublier, on va dire, sa douleur. En le couchant en pellicule. Voilà. Et aussi du coup, bah mais voilà, c'est un mec qui du coup sait de quoi il va, du coup c'est ouais, père. C'est un mec qui, dans les scènes plus intimistes, c'est vraiment quoi il parle, et ça rend les scènes assez touchantes. Alors, moi, je viens juste de voir un truc. La photo du film est très belle. J'en parlerai pas, parce que t'as des films de scénariste, et là, je suis pas forcément d'accord. Alors, tu parles de la photo, donc c'est, Elis Malkin. Donc, qui a fait la photo d'un film que j'aime beaucoup. Ça fait comment? Mortuary Collection. Ah, j'ai pensé à lui. Un film à sketch qui est très très chouette, qui est un peu long. Il dure 1h48, c'est un petit temps de long. Mais c'est très très chouette, et la photo est plutôt belle. Okay. Et si je ne trompe pas, c'est un des rares films à sketch où tous les segments sont réalisés. Ouais. Le Rand Mortuary Collection, c'est très. Bah, je crois qu'il est sorti en Blu-ray en France. Je crois. Je sais qu'il est sorti en physique en France. Blu-ray, peut-être. Moi, je suis quasiment sûr. Mais ouais, ça fait partie du coup de ces films à sketch où t'as une sorte d'unité, si j'ai bien compris, parce que je l'ai pas vu. Mais ouais, t'as une unité globale et le fil rouge et les sketchs sont tout bons. Voilà, c'est juste là pour le placer un peu. Mais parce que c'est le même réel surtout, et que du coup t'as moins cette inégalité que tu retrouves beaucoup dans le film à sketch qui fait pour exister sur PS, exactement ça. Alors, j'attaque sur Final Girls. Attaque sur Final Girls. Alors moi je l'avais jamais vu. je sais que tu m'en avais déjà parlé, mais moi j'avais toujours vu passer, j'avais jamais peur. Alors, déjà je vais outer, j'aime beaucoup Thaïssa Farmiga. Vraiment, je trouve qu'elle a un charme assez fou, alors en plus d'être très jolie. Et j'aime bien sa façon de jouer en général, alors on peut accuser qu'elle joue toujours un peu les mêmes rôles. Pas totalement faux. Mais moi j'aime bien, et en plus, je l'avais découvert dans La Nonne, ouais, on part tous comme on peut. Mais après, comme je suis très curieux du cinéma de Sofia Coppola, la revoir dans The Bling Ring ne pouvait être qu'un plaisir. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que c'était Maria Bakalova, parce que c'est sur l'affiche, on dirait elle. Et, non mais je t'assure, on compare leur visage sur l'affiche de Final Girls et sur l'affiche de Bodies, t'assures rien. En fait, j'étais persuadé que c'était elle. Regarde d'abord la fiche de Bodies. Tu verras, on dirait Thaïssa Farmiga. Et en fait, du coup, quand je vois que c'est Thaïssa Farmiga, bah, je me suis dit, ah, cool, Thaïssa Farmiga. Ouais. Et, il y a un truc de ouf. Et j'ai trouvé sincèrement que c'était une pépite, en fait. Surtout le film démarre vite, genre en 10-15 minutes, c'est expédié, ils sont en film. Et, déjà, dès le début, tu vois que le film, à nouveau, comme, Last Action Hero, à nouveau, je compare contre toi, mais voilà. Trouve des concepts un peu marrants, et tu vois que le fait que le film reboucle toutes les 32 minutes. Toutes les 1h32. Toutes les 1h32, il prend 42 minutes, pardon. C'est la durée moyenne d'un slasher. C'est la durée de Final Girls. Donc déjà, tu dis, ok, le film a un concept plutôt malin, on va voir jusqu'où il va aller. En fait, il va le pousser vachement loin. Alors même s'il va pas aller aussi loin que Last Action Hero, c'est-à-dire que, pour le coup, les 30-40 minutes à peu près, il va exploiter ses concepts, il va jouer un petit peu avec. Mais il va pas vite s'essouffler, mais le slasher, c'est un genre, qui tourne rapidement en rond. Et là, il en fait vite le tour, mais juste après, il va réussir à relancer, et en relançant comment, tu l'as dit, en capitalisant sur la relation qu'a Thaïssa Farmiga, alors j'ai plus le nom de son personnage, je l'ai sous les yeux à l'instant, qu'a Max, voilà, avec sa mère, donc, qui est donc Amanda. Et en fait, c'est touchant parce que du coup, tu vas te retrouver avec, si on résume, une fille, qui a eu une relation assez fusionnelle avec sa mère, mais qui a été coupée brutalement, et qui quelques années plus tard se retrouve à retrouver dans le personnage fictif interprété par sa mère, mais qu'on devine avoir beaucoup du caractère à son interprète, qui se retrouve à avoir une relation avec le personnage brutal, justement en essayant de retrouver une mère, enfin, à défaut d'une mère, de retrouver une amie dans ce personnage, parce qu'on comprend que la mort de sa mère l'a beaucoup affecté, avec notamment le fait qu'elle se soit éloignée de ses amis, etc. Et en fait, là, contrairement à la Cavana de Loi, je trouve que le personnage est assez bien croqué. C'est-à-dire que le copain de Max, le copain, le garçon avec qui elle a une bonne relation, bah non, si, à la fin, ils sont ensemble. Tiens, lui, pour le coup, il arrive quand même il y a quand même plusieurs trucs construits autour de lui, je trouve assez pertinent. Sa copine, donc c'est Nina Dobrev, c'est ça, qui est censée être la bitch, mais qui en fait, il dit qu'elle a été blessée par le départ soudain de Max. Je trouve que les personnages, quand même, être assez bien croqués, avoir quand même une caractérisation bien à eux. Je trouve le film très drôle. Vraiment, je trouve qu'il y a quelques gars vraiment efficaces. Genre, moi, le coup du gars qui fait, ouais, je connais le film, t'inquiète, ça va bien se passer. Et je tape! Et surtout, quand il se, alors, ou, bon, je dis, on dit vulgaire, quand il, en fait, il est vivant, il arrive sur la route, il se fait percuter par une voiture, il se fait, mais, défoncer, mais alors vraiment, enfin, on vous laissera voir comment, mais il se fait éclater par la voiture. Et ensuite, la fille dans la voiture, on se dit, non, mais c'est bon, elle a survécu, et la voiture est sauvée. C'est censé être la final girl du film. C'est censé être la final girl de Ken Blonda. Voilà, donc c'est assez amusant à voir. Et en fait, j'ai trouvé le film comme Last Action Hero, super touchant, et comme Last Action Hero, mais bon, en fait, la comparaison était vraiment valable. Extrêmement pertinent dans son approche, parce que bon, alors là, littéralement, c'est une fille, une fille héroïne d'un slasher moderne, dont la mère est l'héroïne d'un slasher des années 80. C'est cool. Bon, je pense que le parallèle est assez évident. Et c'est assez touchant quand même, l'air de rien. Et parce que, là, typiquement, la scène de fin, où tu vois qu'elle a enfin un dialogue avec sa mère, mais qui n'est pas vraiment sa mère, vraiment, le mec, je trouve le concept super mal. Du coup, de qu'elle se retrouve dans le film de sa mère, et tout. Et le fait qu'elle a un dialogue avec ce personnage, qui est super touchant, finalement, t'as à nouveau ce même esprit de ce qui est passé est passé. On regarde un super souvenir, mais il faut aller de l'avant. Et là, la fin de Final Girls est très littéral là-dessus, littéralement, ce qui est passé, il faut avancer. Et là, où tu disais film, c'est vrai, je suis pas forcément d'accord, je trouve que le film est super bien shooté. J'étais surpris, en fait, parce que déjà, t'as des plans qui sont super beaux. Les plans près du lac, ou autre. Même la scène de fin, où t'as des super plans d'ensemble, où t'as avec une bonne, belle composition, avec des lumières dans le ciel, en général. Je trouve que le film a une sacrée gueule, quand même. Et, bah, prendre t'as plein de scènes où, typiquement, les scènes où le geek a le tueur derrière lui, il veut prendre sa petite plein de valeurs de cadre un peu amusantes qui permettent de sortir les gars. Non, vraiment, je trouvais que c'était une bonne épée. J'avais jamais vu, je le connaissais pas du tout. Ok. Bah, ouais, j'ai souvent coupé avec Fragile Girl. Ok, d'accord. Et, voilà, pour le coup, hein, je vais à mes notes en même temps. Mais oui, c'est vraiment un film, et, ah oui, voilà. Contrairement à Leslie Vernon, c'est un film qui, à côté d'être un vrai film, est un vrai slasher. Et notamment la scène du bout du train, où, à réflexion, faut pas la gâcher, celle-là. Faut la laisser. Bobby Trapp, vous comprendrez, c'est très très drôle, avec notamment une scène sur Cherry Pie de Warren qui donne, si vous aimez pas la musique, elle vous donne envie de vous arracher les cheveux. Si vous l'aimez un peu, elle vous, je sais pas, j'espère qu'elle vous donnera pas les mêmes envies que dans le film, mais elle est très drôle. Voilà, c'est un film qui est un bon slasher. Alors c'est pas le meilleur, il est un peu soft pour ça, et pas forcément beaucoup de meurtres, mais il arrive à tenir son rythme, l'air de rien, il dure 1h30. Ce qui est très bien, alors il va pas faire un 2h10 à la Last Action Hero. Mais bon, j'ai trouvé ça super touchant, en fait. C'est ça que je retiens du film, c'est que t'as vraiment, le concept est tellement bon et tellement bien exploité, surtout le film ne se croit. Le risque avec le méta, c'est que le film se pense pour plus intelligent qu'il n'est. Je vais pas forcément accuser La Cabane dans les Bois, mais par exemple, un film qui est méta, qui se croit très intelligent, je trouve, mais qui ne l'est absolument pas, Scream 3. Oui. Scream 3, qui est pas scénarisé par Williamson, je suis quasiment sûr de ce truc, mais qui se croit très malin avec le fait d'ajouter un membre de la famille, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Le film est peut-être un des films les plus bêtes même qu'on puisse trouver dans le Neo Slasher. Et là, Final Girls... Pourtant, il y a de la concurrence. Et pourtant, il y a de la concurrence dans le Neo Slasher. Hein, et là, Final Girls, il se croit pas plus intelligent qu'il n'est, mais juste, il est très honnête dans le message, très touchant. Et vraiment, j'ai passé un super moment, j'ai trouvé que c'était un super film, et la lecture que tu peux faire sur le rapport aux années 80, oui, t'as envie d'y retourner. Le public, en tout cas, j'imagine, déjà, tu vois ce personnage, en tout cas, qui a envie d'y retourner, qui a envie de vivre avec cette mère, de vivre littéralement avec les années 80, hein, elle propose littéralement à sa mère, dans le film, de venir avec elle, mais qui finalement comprend que c'est absolument pas la solution et que c'est pas une solution viable et qu'il faut juste laisser aller, et finalement, c'est ça qui aidera à repartir. Et, alors, je confirme juste que c'est pas Williamson, c'est un certain Aaron Kruger, qui a aussi été scénariste sur... Aaron Kruger sur Scream, c'est goofy. sur, les remakes de The Ring, donc 1 et 2, celui de... Ouais, le 1 est cool, le 2. Celui de Verminsky et celui de Nakata. Ouais, le 2 est pas. Sur les frères Grimm de... Ah, le film qui a traumatisé toute une génération. C'est... Que j'ai pas vu. Sur Transformers 2, 3 et 4, sur Jet in the Shell, Dumbo et Top Gun Maverick. Bon, il y a du bon et du moins bon, quoi. Et un autre truc qu'on ne faut pas ajouter, je trouve la fin de Final Girls extrêmement réussie. Parce que je me demande, c'est aussi un halo, en général sur le méta, mais aussi sur le thème de l'émission, c'est qu'un film méta, comment tu termines? Un film méta, parce que finalement, c'est une espèce de boucle sans fin, tu parles avec un film dans le film, et donc si le film se termine, toi, comment tu termines quand tu l'arrêtes? Et là, c'est que finalement, on réussissait sa fin, avec une différence de guillemets, je trouve la fin de Final Girls super bien. parce que en plus d'être très drôle, elle est plutôt maligne, plutôt bien vue. Vraiment, c'est chouette. Parce que les suites, c'est toujours mieux. Mais voilà, faut pas trop dire, mais voilà, Final Girls, c'est vraiment très très chouette. En plus, du coup, enfin, tu vas nous dire où est-ce qu'il est dispo. Mais du coup, il est dispo sur Netflix France. J'ai Netflix allemand par défaut. Il n'est pas sur Netflix Allemagne, mais il est sur Netflix France. Alors, je suis pas sûr qu'il soit sorti en physique pour le coup. Alors si, il est sorti en physique dans un Blu-ray US non donné et avec la VF. Celui-là, je vais me le procurer. Voilà. Et sinon, il est dispo sur le Netflix français, du coup. Voilà. Et je veux dire que des anecdotes à la volée. Mais évidemment, je suis très curieux des anecdotes parce que je reviendrai après sur le parallèle avec le deuil que j'ai noté. Je te laisse aller sur les anecdotes. Alors bon, j'en avais quatre, mais deux que j'ai déjà dites, à savoir que Joshua John Miller a écrit de façon à traiter le deuil de son père, qui était du coup Jason Miller, qui jouait le père Karras dans l'exercice. Bah sur ça, du coup, je développe rapidement, mais c'est que on voit que dans le film, le personnage de Thaisa Farmiga ne sait pas comment réagir à la présence de sa mère. Où justement, il y a une vraie évolution qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'au début, elle est très sceptique, elle essaie pas trop forcément de s'en approcher, puis elle essaie de s'en approcher, ça marche pas forcément, mais ensuite, c'est une vraie connexion qui se crée, et finalement, elle comprend que la solution au deuil, c'est pas de s'y accrocher comme ce qu'elle veut faire, c'est juste de laisser partir et d'accepter. Mais vraiment, il y a une lecture très intéressante. Donc l'autre, c'était que Ken Bloodbath fait 92 minutes comme Final Girl. Voilà. L'autre, c'est que aussi, en tout cas, mais la maison principale du film n'existait pas sur le camp de Girl Scout où ils ont tourné le film, parce que en gros, il y avait une maison comme ça, mais qui était trop petite pour accueillir l'infrastructure et le matériel pour tourner le Bobby Trap. Et la maison qu'ils ont finalement, je trouve qu'elle est super belle. Je sais pas, mais je trouve qu'elle est une vraie maison de cinéma, elle est bien pensée pour tout le monde. Ouais. Et du coup, elle a été construite pour le film et elle a été laissée sur place pour le camp de Girl Scout. Bah écoute, je pense qu'elle va en remercier. Voilà. Anecdote aussi, je pensais juste rapidement, à la fin du film, rester pendant le générique, parce qu'il y a, tu sais, les bloopers. Et c'est trop marrant. T'as plein de gags, ouais, c'est trop drôle. Genre, t'as une gag où ils ont fait tomber un rideau, enfin bref, c'est très très drôle à voir. J'aime beaucoup quand tu mets des petites compilations comme ça. Et donc, la chanson chantée par le premier, enfin, après le premier meurtre, c'est la chanson, Michael Row Your Boat Ashore, qui est la même chanson qui est chantée au début de Vendredi 13. Et d'ailleurs, les personnages portent des tenues de la même couleur. Déjà, ça, c'est des clins d'œil subtils, discrets, mais voilà. Donc voilà, c'est Final Girl. Je pense peut-être mon deuxième gros coup de cœur de l'épisode après la Statue Nero. Oui. Alors juste, on n'a pas parlé de la musique du film. Oui, qui est bien dessus. Voilà. C'est une musique de Sacha des années 80, c'est-à-dire que quand tu l'écoutes, tu te dis ah c'est cool, mais tu me la mets en dehors. Voilà. Et donc c'est Gregory James Jenkins qui a pas fait grand-chose et Ed Isaac qui a juste, à part ça, fait un truc qui s'appelle Cool Rophobic que j'ai vu, qui est correct. Ok. Voilà. 10 minutes, c'est... Au moins, ça te prend pas. Voilà. Mais donc, voilà, on a terminé l'épisode méta. Alors, rapidement, est-ce que t'as d'autres films méta, ou si t'avais pu les prendre, tu les aurais fait? Parce que moi, du coup, j'en ai deux. Bah, t'as Tragedy Girls, Tragedy Girls, j'ai You Might Be the Killer. Aussi, c'est vrai. Qui, pour le coup, partait pour m'énerver très fort, et qui, en fait, ça va. En fait, c'est pas un grand film. Je suis même pas sûr que t'aies si bien que ça au niveau de l'âge. Mais c'est un film que je trouve très honnête et très très sympathique dans la démarche qu'il va adopter. Ouais, non, c'est vrai que You Might Be the Killer est très cool. Je l'avais découvert pendant l'été. Ouais, en plus, tout, il n'oublie pas d'être un vrai slasher à côté, un slasher même plutôt bon, avec même des trucs un peu d'or, donc voilà. Éventuellement, on pourrait considérer qu'en quelque sorte, Hatchet, c'est méta. Oui, c'est Butcher en France. Ouais, Butcher, c'est méta dans un peu comme Fist, c'est-à-dire qu'il va jouer sur... plus jouer avec les codes, mais vraiment être méta, dans le sens où on va vous montrer des films et tout ça. Voilà. Voilà. Au point de carrément reprendre l'acteur qui jouait Jason dans les Vendredi 13, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc Kane Hodder. Mais, je pense que pour moi, le problème du film méta, c'est, une fois que t'as fait ton commentaire sur ton propre genre, qu'est-ce que tu veux faire? T'as des exceptions comme c'est arrivé près de chez vous, mais ils sont méta un peu en pensant, tu vois, c'est, vraiment, je me pose, le film méta, ça certains vont considérer que c'est un genre. Je suis pas forcément d'accord, je trouve que c'est plutôt, une façon une astuce narrative. Oui, comme le fan footage, en fait. Exactement. Pour moi, le fan footage, c'est pas du tout un genre, c'est pas une astuce narrative, c'est plutôt une façon de faire, en fait, tout simplement, une façon de filmer. Plus qu'un réel genre, parce que, après, ce qui caractérise le méta, ce serait quoi, tu vois, c'est ça, je pense, c'est pas forcément une question qu'on va faire maintenant après 2 heures par épisode. Mais c'est quoi, est-ce que c'est le fait de parler de cinéma? Est-ce que c'est le fait d'avoir conscience que t'es un film? Est-ce que c'est le fait de jouer avec le spectateur? Parce qu'à ce moment-là, on peut considérer que toute la carrière de Nicolas Winding Refn est méta, dans le sens où tu te dis, ah, il fait un film de viking, ça va être incroyable, et en fait, non, c'est un truc super contemplatif. Et après, tu vois, c'est, ça, je pense que le méta, c'est, on pourrait revenir à la question, qu'est-ce que le méta? Et à ce moment-là, je pense que ça pourrait être un débat, enfin, attention, peut-être pour un épisode 2, si vous le demandez. Voilà. Voilà, donc on espère que l'épisode vous aura plu. Oui. N'hésitez pas à faire des retours, n'hésitez pas à nous proposer des sujets, on a déjà une belle liste de sujets, a priori, on a déjà à minima nos deux prochains sujets. C'est ça, ouais. Le prochain étant celui qu'on voulait vous faire aujourd'hui, et Problème technique. Qu'on n'a pas pu, et qui a priori arrive bien dans deux semaines, à l'heure de la diffusion de cet épisode, qui devrait être très sympathique. J'en avais vu un de la sélection, moi aussi, celui qui commence par un R, et celui qui commence par un L aussi. Comment? Celui qui commence par un L? Non, dans ma sélection. Ah, dans ta sélection, ouais. Bah, qui commence par un L. Donc pour le coup, qui est bien, ça promet, on va dire. Voilà, ça va être un épisode, ma foi, fort sympathique. Et l'épisode dans 4 semaines, du coup, on le dit tout de suite, ce sera a priori un épisode sur un réalisateur, je le dis. Sur un réalisateur qui, moi, me tient tout particulièrement à cœur. Qu'on a rencontré, ça c'est un flex totalement gratuit et légitime. Bref, on vous en dit pas plus. Les indices, ça fait bon en temps et en heure. On espère que ça vous aura plu. On vous invite évidemment à nous suivre sur toutes nos plateformes, etc. N'hésitez pas à aller voir sur le site. À l'heure où on parle, il y aura sûrement la première partie du bilan 2022 qui sera arrivée. Oui, ça arrive fin janvier, mais les rattrapages, etc., je préfère faire un bilan qui arrive plus tard et avoir proposé un truc à peu près complet. Donc voilà. On espère que ça vous aura plu et on se dit tout simplement à bonne semaine.